Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 38, enregistré le 18 mars 2018. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais comme d'habitude, je ne suis pas tout seul puisque j'ai mes co-hôtes habituels. Cette fois, c'est les deux qui sont là puisque le mois dernier, il y avait uniquement Morgane, mais j'ai aussi Eddie avec moi, donc on va commencer avec Eddie. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Ah, nickel. Et comme je l'ai dit, donc on est aussi avec Morgane. Salut. Bonsoir. Oui, tu dis bonsoir alors qu'on n'enregistre pas vraiment le soir, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est écouté le soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc bonsoir. Ok, ça va ? Bien, et vous ? Bah oui, très bien. Depuis quand tu me vois, je sais pas. Bah, Eddie oui, aussi, c'est inclus parles. Dedans. Ah, ok, d'accord. Oui, même va, si en soi, il a répondu à la question il y a 20 secondes. Bon. C'est pas grave. Ouais. Donc voilà, on va vous parler des films, même si on enregistre, je sais, très tard et que ce sera publié, j'espère, le 19, voire le 20 mars. Mais on va quand même parler des films qu'on a vus en février. Sauf un, mais ça c'est une exception à la règle que Eddie va faire, mais c'est pas grave. On a pas mal de films dont on va vous parler ce mois-ci. Donc je vais vous commencer avec le sommaire. Pour la Selec, on va vous parler entre autres de le 15h17 pour Paris, Jusqu'à la Garde, Phantom Thread, Call Me By Your Name, La Ch'tite Famille, Cloverfield Paradox et Annihilation. Ça c'était le film qui est sorti sur Netflix il y a pas longtemps. Et aussi de Ready Player. Non, c'est pas encore pour tout. C'est pas encore c'est pour pas tout de suite. C'est dans bientôt. C'est dans 10 jours. Ouais, dans 10 jours. Ouais. 10 jours. Ouais. C'est dans 10 dodo. Et je vais aller jusqu'à Paris pour le voir celui-là. Vous vous rendez compte ? Avec Quentin. Ouais, oui. Ayez d'avance, enfin vous allez prier pour lui parce qu'il va devoir me supporter pendant le film. Oh, finesse. Là, franchement, quand même, le gars. Franchement. Ah ouais. Quentin. Et en plus, le dernier film que nous sommes allés voir tous les deux, c'était X-Men Apocalypse. Et ouais, avec même acteur. Ah. Ben oui, il y a un parallèle à faire. Ouais. On sait que tu aimes Ty Sheridan, hein, y a pas besoin de le souligner. Ah mais lui aussi, hein, je peux dire pendant X-Men Apocalypse, à un moment j'ai insulté Sophie Turner dans le film, mais spontanément et à voix haute dans le cinéma, parce qu'il y a une scène où il la regarde un peu trop avec insistance et j'étais un peu jaloux. J'ai lancé une insulte et Quentin si t'es était jaloux très juste gêné. Pour un regard, je te dis pas ce qui va se passer dans Ready Player One. Hein. Parce que... Ah bah j'espère qu'il va pas se passer la même chose que dans Phantom Thread parce que là je vais être très très énervé. Oui c'est clair que voilà. Voilà. Le film du mois c'est La Forme de l'eau et pour la Minute Nerd c'est au tour de Morgane qui nous parlera d'une série, voilà. On n'en sait pas plus. Mm-hmm. Enfin, moi, j'en sais un petit peu plus, mais voilà, c'est moi qui l'ai deviné. Hein, il ne me l'a pas dit. donc voilà, on en saura plus vers la fin du podcast, mais on va se lancer directement dans la rubrique La Selec. C'est parti. On est donc dans la rubrique La Selec et on va commencer avec Morgane qui va nous parler du film, dernier film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris. Oui. Alors, oui, quel film énervant, j'ai envie de dire, mais je vais être très calme en fait. Ouais. Je vais pas être trop violent, mais presque. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Clint Eastwood a sorti un film. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Ouais. Voilà, à juste titre. Un film qui nous raconte l'histoire vraie hein, d'un attentat qui a été déjoué dans le Thalys à destination de Paris le 21 août 2015, je crois. Mmh. C'est donc un attentat qui a été déjoué par trois vacanciers qui s'avéraient être des soldats américains, très important dans le film d'ailleurs. Oui. C'est bien évidemment pour ça que Clint Eastwood s'est intéressé à cette histoire, parce que si c'était trois bouchers de la Creuse, pour être honnête. Aussi. Voilà. Donc le film en fait raconte le parcours de ces héros, on va voir leur vie, qui jusqu'à cet instant crucial et déterminant, à savoir le sauvetage de, et c'est très bien d'ailleurs qu'ils l'ont fait, hein, merci à eux. Mais est-ce que c'est le meilleur hommage qu'on pouvait leur rendre? Je ne pense pas. Sachant qu'ils jouent dans le film, c'est ça. Voilà, alors voilà, pour la petite anecdote, la petite curiosité que j'avais avant d'aller voir le film, c'était le fait que les vrais protagonistes qui ont agi comme en tant que héros dans la vraie vie, Eastwood a fait appel à eux pour qu'ils rejouent en gros leur propre rôle. Voilà. Ce qui donne un côté un petit peu amateur, j'imagine. Amateur dans le jeu, c'est vrai que bon, ils ont peut-être eu une médaille d'honneur, mais ils n'auront pas l'Oscar, hein, ça c'est clair. mais c'est surtout bon, ça encore, c'est un parti pris qu'on pourrait pas faire en France, je pense. Je pense qu'en France, on fera un truc comme ça. Je pense qu'on nous tomberait dessus. Enfin, on tomberait rapidement sur le réalisateur pour avoir fait ce genre de choses. Ouais, qu'on dirait que c'est un peu opportuniste. Bah, par exemple, je suppose, enfin, c'est même sûr, il y a eu des personnes qui s'en sont sorties vivants, hein, du Bataclan. Je pense que si un jour, et je pense qu'on en aura un d'ailleurs, un film sur ces événements-là, bah oui, si on rappelle ces personnes-là pour rejouer, je pense que les Français seront pas prêts. Bon, c'est Eastwood, on accepte de toute façon. Enfin, c'est pas la... Bon, oui. Ça, en soi, j'étais pas rebuté par l'idée, même si. Quand on voit le film, on se dit, c'est quand même un peu bizarre quand même. Il y a un côté un peu, c'est à la fois opportuniste et un petit peu malsain, je trouve. Ouais. Mais c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est la manière dont Eastwood se sert de cette histoire-là, de cet événement tragique à côté duquel on est passé, et fort heureusement, mais pour nous servir son radotage incessant et insupportable sur le patriotisme et les bonnes valeurs de l'Amérique bien éduquée à base d'enseignement militaire très rude. Et ça, je trouve ça dérangeant parce que, comme je l'ai dit avec sarcasme tout à l'heure, si ça avait été Trois Bouchers de la Creuse, ils s'en foutaient. Lui, en fait, Eastwood, pour lui, quand on voit le film, et c'est ça qui émane du film, c'est qu'à l'instar de Sully, qui parlait aussi d'un héros qui avait agi de la bonne façon au bon moment. C'est pour ça que Sully était un film très intéressant. C'était modeste, mais il traitait son personnage comme un héros lambda. C'est un Américain qui, à un moment donné, était en danger, il a agi au bon moment. Point barre. Ouais. Que là, en fait, on essaye de nous faire croire que ce qui fait que le TGV a été sauvé, c'est pas le fait que ce soit trois braves garçons qui ont bien agi. C'est parce que ce sont des soldats. S'ils n'avaient pas été des soldats, bah vous pouvez être sûr. C'est surtout parce que ce sont des Américains. C'est un peu ça qui est dégueulasse en fait dans le concept. C'est qu'ils s'approprient un truc qui ne s'est pas passé aux États-Unis pour mettre en avant pour mettre en avant l'Amérique, quoi, un peu en gros. Enfin, les bonnes valeurs de l'Amérique. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Je pense qu'il avait d'autres manières lui qui adore glorifier l'Amérique dans ses films. Après, bon, on peut pas lui reprocher. Hein, il aime sa patrie, d'accord. Oui, mais ça donne des films très beaux. Hein. Je trouve Torino, quelque part. Bien sûr. Et il sait aussi la mettre. Il sait aussi lui tirer dans les pattes, hein, parce que moi je pense à l'échange. L'échange, ah oui, il est très très critique. Hein. Mais là, c'est vraiment, c'est l'idée en fait de base du film, je pense, qui pose problème. Moi, je l'ai pas vu, et de toute façon, j'ai pas envie de le voir et je pense que je le verrai pas. Mais c'est clairement le principe même du film en fait qui me pose problème. Et il s'auto-glorifie parce que ce qui est assez amusant dans le film, c'est qu'à un moment donné, quand on est du point de vue des héros quand ils sont enfants, donc on voit dans la chambre d'un des garçons un poster de Lettre d'Ujima. Ouais, d'accord. Et de Full Metal Jacket. C'est pour dire à quel point quand même il y a un côté un peu pimé. Voilà, Full Metal Jacket, voilà ce côté. Comparer à Full Metal Jacket, hein, c'est un truc de... Ouais. Enfin, bref. Donc là, il y a un peu d'arrogance, un peu de prétention, c'est très nombriliste finalement. Mais, alors, outre tout ça, ça peut être un peu discutable d'un point de vue éthique, mais en termes de cinéma, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Il n'y a rien, parce que honnêtement, ce n'est pas intéressant. Pardon, ce sont des héros, ils ont sauvé des gens, oui, mais leur vie, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous qu'il y en a un qui avait des problèmes avec sa mère, je m'en fous qu'il y en a un qui avait des problèmes à l'école, qui était tourmenté. Il y a un moment, ça se passe en Italie, ils filment ça comme un mauvais Woody Allen, ce qui n'est pas un pléonasme, hein, je précise, mais vraiment c'est ridicule, c'est très cheap, il n'y a même pas d'amour du cinéma, il n'y a même pas de désir de cinéma, alors que quand on voit l'échange, quand on voit Gran Torino, quand on voit Million Dollar Baby, avec, il y avait des instants, des contrastes avec des ombres et tout, c'était fulgurant, c'était foisonnant, flamboyant, merveilleux, là il n'y a rien, c'est un une pauvre, enfin c'est un pauvre DTV quoi, c'est un téléfilm bas de gamme, tout ce qu'il y a de plus classique, qui pourrait évidemment passer sur M6 en deux parties quoi. C'est, ouais. Ça me rappelle, oui, ça me rappelle voilà, justement ces téléfilms. Il y en a plus beaucoup des films comme ça, mais M6 nous faisait souvent des téléfilms de 3 heures en deux parties le samedi soir. Bah, ça c'est du même niveau, hein. Et c'est horrible de voir que Clint Eastwood est tombé là-dedans. Il n'y a plus aucun désir de cinéma. Il sert sa soupe quoi. Donc on a compris, t'aimes ton pays, t'aimes tes soldats, ok, gloire à l'Amérique, mais so what quoi, y a rien, il reste rien. Et puis finalement c'était casse-gueule parce que en fait il raconte le point culminant du film, c'est de raconter et c'est le seul moment où le film est intéressant, c'est au moment où on voit comment l'attentat est déjoué. C'est à ce moment-là qu'il y a une forme de suspense, ouais, c'est tout. On arrive. Mais c'est surtout. À partir de combien de temps dans le film on arrive à ce point-là ? En fait, alors là où c'est balourd, c'est qu'en fait le film il est composé. En fait, on voit des bribes de l'attentat. Ouais. On voit par exemple le pied d'un terroriste et pouf, on repasse à l'enfance. Mm-hmm. Et ça fait ça sans cesse d'aller-retour, aller-retour, aller-retour. Du coup, ça tue un peu le truc. Moi, j'aurais aimé qu'on y aille dans la chronologie, au moins pour qu'on se dise bon, à la fin, il y a un petit suspense et tout. Ouais. Finalement, bon, bah en fait, ça, c'est 1h30 pour raconter quoi, 2 minutes de bravoure. C'est quand même assez un peu abusé quoi. Ouais. Franchement non, donc n'y allez pas, même si vous êtes fan d'Eastwood. Honnêtement, le bonhomme dépérit fortement. Je crois que bah, le cinéma faut qu'il arrête, hein. Ça fait un moment qu'il sort plus des grands films, des bons films. Même si Sully était pas honteux, était un très beau film, mais ça American avait pas Sniper, la patte qui était pas... Non, j'étais pas, franchement j'ai pas aimé, mais ouais. Il a quand même son lot d'adorateurs. Ouais. Voilà. Mais non, bon, mais au-delà, j'ai pas trouvé ouf non plus. Hein. Ouais, j'ai voilà. Dit, oh mon dieu, mais quelle horreur ce film. Ouais, avec Armie Hammer, on parlera d'Armie Hammer bientôt là. Ok, donc voilà, ça c'était pour le 15h17 pour Paris. Et tu vas passer du coup à Morgane, toujours, avec Jusqu'à la Garde. Jusqu'à la Garde, que j'ai vu à la suite quand j'étais allé voir le film d'Eastwood, avec beaucoup de hype, parce que le film est quand même assez bien fourni et bien garni de d'éloges. Mmh. On parlait quand même de petites claques du cinéma français, et c'est le cas. Donc c'est un film réalisé par Xavier Legrand, dont c'est le tout premier film, et c'est la suite, je crois, ou c'est l'adaptation en long métrage de son propre court métrage, en fait. D'accord. Qui était sur le même thème. Donc là, on parle, je vais résumer vraiment vite fait, ça parle d'un couple au bord de la crise de nerfs, c'est un couple qui divorce, et en gros, c'est une histoire de garde, voilà, pour protéger un fils qui craint son père, qui vit avec la crainte de son père qui est violent, mais d'une maman dont on ne sait pas non plus, et tout le film se joue là-dessus. Ça commence par une scène de dialogue, mais pour moi, mais qui est digne d'un Aaron Sorkin, quoi. Je veux dire, tellement c'est intensément dialogué, tellement les dialogues, chaque mot mais vous percute, parce que c'est d'une froideur absolument dingue. C'est un film sur la famille, sur la confrontation, sur la peur de l'autre et sur les non-dits. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on pourrait être dans un schéma un peu classique dans le cinéma français, l'histoire d'un couple qui divorce, puis la garde d'un enfant, oh là là, les problèmes existentiels des familles, ça on voit ça souvent. Mais je trouve que le film est beaucoup plus malin que ça, déjà parce qu'il y a un vrai parti pris, une vraie démarche de mise en scène, savoir de filmer des acteurs parfois mutiques qui ne disent rien. La scène d'intro, c'est, comme je l'ai dit, c'est une scène où un juge parle avec les deux parents, où c'est les avocats qui parlent de façon interposée, les parents ne disent rien. Et tout se joue là-dessus, il y a des plans très serrés sur le regard de Marie Drucker, qui est incroyable dans le film, où on ne sait pas ce qu'elle pense. Denis Ménochet, qu'on avait vu dans Inglourious Basterds, qui est un acteur que j'aime énormément, lui aussi c'est pareil, on ne sait pas si c'est le mari brutal et le père menaçant que l'avocat de la maman décrit. Et finalement, tout le film, on passe à douter. Et on passe, et c'est ça qui est très fort dans le film, c'est la neutralité du réalisateur, même si il prend clairement parti à un moment donné. Mais même quand il prend parti, on doute. Ouais. Et je vais pas vous dire vers quoi on se dirige, mais je peux vous dire que les 20 dernières minutes du film, c'est d'une brutalité comme vous ne, je crois qu'on ne verra pas, enfin on ne verra pas plus brutal que ça dans le cinéma français cette année. Ouais. Je peux vous dire que là la salle était en apnée, mais il y a surtout un travail sur le son, et ça je m'en suis rendu compte bien après. Chaque détail sonore du film, même une ceinture mal attachée, vous savez, avec le bip et tout, même ça c'est menaçant. Un ascenseur qui monte, même ça c'est, il y a une minutie au niveau de la mise en scène. Tout est précis, rien n'est laissé au hasard, et les acteurs sont complètement, mais bouffent le cadre. Denis Ménochet d'ailleurs, qui pour moi, voilà, un choix d'acteur absolument judicieux, parce que c'est un acteur qui est grand, imposant, c'est un espèce d'ogre qui bouffe le cadre. Donc du coup, on est impressionné quand il se retrouve à côté de cet acteur qui s'appelle... comment il s'appelle le petit garçon? Je retrouverai son nom. Mais le petit garçon qui a, je crois, 13 ans, il est exceptionnel. Mais c'est une révélation et j'espère vraiment qu'il fera des films. Qui s'appelle, attendez, Thomas Gloria, voilà. Et je trouve que c'est un film d'une subtilité dingue, mais d'une brutalité mais marquante. Et je peux vous dire, les 20 dernières minutes, mais vraiment, je vais vraiment pas vous dire vers quoi on se dirige, ouais. Mais soyez prêts, c'est absolument glaçant. Vous avez, franchement, quand le générique de fin arrive, vous pouvez pas vous lever, hein. Vous êtes là, c'est essoufflant, vraiment. D'accord. Donc c'est une claque, faut vraiment le voir. C'est assez minimaliste parfois, mais ce côté minimaliste, il y a quand même derrière, quand on cherche un peu, on voit quand même tous les trucs et astuces, toute la précision de la chose. Et c'est ça qui est fort. C'est pas bourré d'artifices qui vont vous exploser à la gueule. C'est tout est dans le non-dit en fait. Et c'est dans le ressenti. Et quand on regarde, finalement cette scène-là, ce cadre-là, finalement, mais en fait tout est tellement précis que finalement ça donne un film d'une maîtrise absolue et qui vraiment dit des choses sur l'humain et sur la famille évidemment. Donc voyez-le, c'est un grand film. Eddie, je pense que tu vas adorer. Ouais, ouais, franchement, ça donne envie. Franchement, c'est... Et vraiment, un couvert d'éloges. Hein. Il est allé au Festival de Venise et tout. Je crois qu'il a gagné des prix et tout. Non, c'est un film qui a vraiment plu. La critique est unanime. Les spectateurs sont unanimes aussi. Donc, allez-y, okay. Vous ne le regretterez pas. Eh bien, très bien. Ouais, ça donne très envie. Moi, je vais passer à Phantom Thread. Et de toute façon, Morgan va aussi parler du coup du film, puisqu'on l'a vu tous les deux. et c'était pas c'était ton ah non c'était ton deuxième Paul Thomas Anderson après The Master, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, que je n'avais pas aimé. Oui, c'est un peu compliqué de commencer avec The Master, effectivement, la filmographie de Paul Thomas Anderson. Donc voilà, dernier film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, sorti le 25 décembre 2017 aux États-Unis et le 14 février. C'est vachement beau ce titre d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc, ouais. C'est super beau et je pense que ça a dû être, enfin c'est compliqué pour beaucoup de Français de prononcer le mot parce que Fred c'est vraiment enfin c'est assez compliqué à prononcer. Thread. Voilà c'est ça. C'est sûr, donc le fil caché en québécois est sorti le 14 février 2018 du coup en France. Oh, Saint-Valentin, génial. Allez voilà. Voir ça. Finalement, super. Tu sors de là, t'es plus, t'as plus du tout envie de fêter ça. voilà. Dernier film de Paul Thomas Anderson, un réalisateur que j'apprécie énormément. Un film que j'attendais beaucoup, même si j'avais mes réserves du fait, surtout de l'univers qu'il allait présenter. Parce que c'est pas vraiment c'est pas vraiment le type d'univers qui m'intéresse énormément, la couture, même si le long des années 50 c'est toujours sympa d'explorer, mais le monde de la mode en général ne m'intéresse pas énormément, mais comme quoi on peut m'intéresser à n'importe quel sujet tant que c'est bien fait, et là effectivement c'est extrêmement bien fait et ça porte pas le monde de la mode, c'est un peu un prétexte pour parler d'une relation entre un artiste et son art et sa muse, du coup. Donc, le film, comme je l'ai dit, se passe dans les années 50 à Londres. Daniel Day-Lewis, qui joue le personnage principal, qui s'appelle Reynold Woodcock, entre les rires de ceux qui comprendront l'anglais, quand les rires sont passés après avoir entendu ce nom, mais voilà, c'est ça. et surtout que Wood, ça veut dire aussi érection, donc donc voilà. Donc il joue ce personnage qui est un personnage fictif, mais qui est apparemment basé sur sur plusieurs histoires de couturiers londoniens célèbres. Il est engagé pour dessiner les vêtements des gens de la haute société à Londres. Et, la famille royale notamment. Quand voilà, même. C'est ça. Voilà. et aussi, il s'occupe de la famille royale de Belgique aussi. Enfin voilà. Donc c'est pas que basé en Angleterre. Donc voilà. Alors le film, je l'attendais beaucoup, comme je l'ai dit. Il m'a énormément surpris. Quand je suis sorti de la salle, je me suis, enfin, vraiment, je me suis pris une claque en voyant ce film et j'étais pas sûr de ce que je venais de voir, en fait. Il m'a, c'est, oui, c'est l'effet. Hein, c'est vraiment l'effet désiré et ça met très longtemps à digérer le film. Et je pense que quand on le voit et qu'on est du genre à se poser des questions, enfin, vraiment, le film pose un contexte, pose des petites clés à travers le film. Et si on ne les a pas vues, si on n'y a pas fait attention, il y a peut-être des choses qu'on a loupées ou des choses qu'on ressent, mais finalement, le fait que ce soit aussi dense, ça gâche pas le plaisir quand même de le voir une première fois, parce que la narration est très fluide. On comprend beaucoup de choses déjà juste avec un premier visionnage, mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe quand on le voit. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Il y a un mystère derrière ce film que j'ai toujours pas résolu et que peut-être que je résoudrai jamais, parce que c'est peut-être aussi la volonté de Paul Thomas Anderson. C'est souvent le cas avec ces films, hein. C'est très dense et en même temps c'est assez compréhensible pourtant pour les premiers visionnages. Et ça, il le sublime avec ce film. C'est vraiment... ouais, franchement, moi, j'ai été très surpris par ce film. Surtout le fait que c'était le premier film que Paul Thomas Anderson réalisait hors des États-Unis. Et il prend vraiment tout... Enfin, il prend avantage du fait qu'il tourne à Londres, qu'il tourne, par exemple, dans la campagne autour de Londres, pour nous proposer des plans vraiment sublimes. Et moi, ce qui m'a énormément marqué dans le film, c'est les scènes de dialogue qui sont vraiment poignantes et qui, pourtant, en fait, elles sont de plus en plus sombres au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans l'histoire, et que ce soit dans leur thème ou dans la façon dont elles sont orchestrées, par la façon dont ils filment, on voit certains acteurs qui bouffent littéralement l'écran et qui sont supérieurs à d'autres personnages dans le champ, etc. C'est vraiment très bien travaillé, je trouve, au niveau du cadrage, etc. Mais comme toujours, hein, avec Paul Thomas Anderson, c'est un gars qui fait très attention et qui est très minutieux avec son cadre. Donc voilà, là, c'est vraiment très bien fait. Il y a aussi la magnifique musique de Johnny Greenwood qui est franchement, moi je l'écoute, depuis que je suis sorti de la salle. Et vraiment, c'est génial. Il y a un côté très classique, surtout avec la suite Phantom Thread 1 à 4 qui est de plus en plus désincarnée au fur et à mesure de l'avancement dans l'histoire. Mais il y a aussi des côtés un peu plus divertissants, jazzy, comme pour le morceau House of Woodcock qui est vraiment plus fun, mais en même temps qui a quand même sa part sombre. Voilà. Donc c'est un film vraiment qui nous laisse sans voix, et on se pose beaucoup de questions et on ne sait pas si on aura les réponses, mais c'est quelque chose, enfin c'est un film, c'est vraiment un film qui m'obsède vraiment, et j'y pense assez souvent depuis que je l'ai vu, et je pense que, enfin, de toute façon, je pense le revoir quand il sortira en Blu-ray, et je veux comprendre. Voilà. Je veux comprendre ce qui se passe derrière tout ce film. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà. Morgane, toi. Et plus qu'intéressant, pour moi, c'est un film fort et extrêmement déroutant. Moi, j'y suis allé avec les pires réticences du monde. The Master n'a pas du tout fonctionné sur moi. La bande-annonce me faisait ronfler, mais c'était tellement pas un film pour moi. Je m'attendais à voir quelque chose de froid, d'austère, de lent. C'est lent, mais c'est dense. Ouais. Et c'est là toute la différence. Et dès le départ, voilà, j'ai été subjugué par ce côté raffiné, quoi. Et là où on peut s'attendre à un film sur la mode, c'est pas du tout ça. C'est un film sur le créateur, sur l'amour finalement, sur comment un homme très droit dans ses principes, comment un homme très droit dans ses habitudes, on, le personnage d'ailleurs est un peu psychopathe, hein, ouais. Il supporte pas le bruit, le moindre claquement de cuillère sur une tasse le fait bondir. Voilà, donc toute cette histoire d'amour qui va se transformer en rivalité un peu très sournoise, moi ça m'a passionné, je trouvais que c'était psychologiquement mais d'une profondeur inouïe, et les acteurs, faut en parler, Daniel Day-Lewis qui, voilà, c'est son dernier rôle, hein, enfin, selon ses dires, mais je pense qu'il va s'en tenir à ce qu'il a dit, qui aurait mérité, hein, son Oscar, parce que plus que Gary Oldman, que j'ai adoré, hein, dans le film de Joe Wright, c'est pas le souci, mais bon, je trouve que voilà, jouer à ce point-là, l'élégance, la sobriété, tout est dans le regard, en fait, dans la démarche. C'est bête à dire, mais même quand il ne fait rien, il est élégant, il est puissant, quoi. Ouais. Il fait rien, il a les yeux baissés, il dessine, mais il est élégant. Moi, je suis là, je le regarde, je pouvais le regarder pendant 4 heures sans problème. Et cette actrice qui s'appelle, je ne sais plus son nom. Qui s'appelle Vicky Krieps ou Krieps, parce que c'est une, voilà. C'est une luxembourgeoise. Vicky Krieps, voilà, Krieps, voilà. Ah, et d'ailleurs, salon son frère qui fait des céréales, Cookie. et bah, justement, ce duo de cinéma, ce couple, je l'ai trouvé marquant. Et en fait, à chaque fois, le film me surprenait parce qu'en fait, il se relance, enfin, il se renouvelle en proposant un genre différent. Mmh. Au début, on commence par un côté un peu biopic, finalement. Puis ensuite, ça dérive vers l'aspect romantique. Et ensuite, on touche carrément. Il y a une teinte fantastique. À un moment donné, il y a une scène dans une chambre, on parle de la même, qui est bizarre. Et mais, à la sortie du film, je me suis dit, c'est hybride, en fait. C'est tellement hybride. Il y a tellement de choses en 2h10 qui se passent, même si ça peut paraître lent. Même si ça peut paraître poseur un peu trop. Moi, j'y suis allé avec Jordan quand il est venu en vacances. Mmh. C'était la deuxième fois que j'y allais. Lui, au bout de 10 minutes, il m'a dit, ça va pas être comme ça tout le film. Et j'ai dit, si. Et je l'ai vu se retourner durant 2h10, il n'en pouvait plus. Aujourd'hui, il est dans un cercueil. Bon, on n'en parlera pas. Mais en tout cas, je peux comprendre qu'on s'ennuie. Ouais. Mais il y a une telle densité, une telle puissance au niveau de ce que ça dit, aussi de ce que ça dit, de ce que ça ne dit pas. Je parlais des non-dits tout à l'heure avec le film de Xavier Legrand, mais là aussi, il y en a pas mal. Et la musique aussi qui porte tout ça, qui donne à certaines scènes un souffle romanesque délicieux et en même temps un suspense malaisant par moments. Je crois que l'une des scènes de fin autour d'un plat de champignons m'a un petit peu perturbé. Hein. Ouais. Et je trouve que le film est d'une force au niveau... Enfin, c'est l'esthétique qui prime et c'est ça en fait. Voilà, c'est raffiné... un petit peu ambigu aussi par moment. Enfin, c'est un film bizarre en fait. Finalement, c'est un film indescriptible. Ouais, et il m'a marqué pour ça. Et je pense à coup sûr qu'il sera dans mon top 10. Ouais. Ouais. En tout cas, il est dans mon top 3 pour l'instant. Donc, ouais. Voilà. Non, franchement, c'est un très bon film. C'est pas pour tout le monde, clairement. Ah ouais, non. Faut savoir en quoi on s'engage. Ceux qui sont prêts à s'engager dedans, je pense que vous le regretterez pas parce que c'est... Ouais, c'est... Et mais après, en termes de narration, on pourrait craindre, parce que moi, c'est pareil avec The Master, j'avais pas trop compris. Là, dans la narration, il revient à quelque chose de fluide, finalement. C'est limpide, hein, ça se comprend tout seul. Ouais. Mais il y a tellement de détails qui apparaissent, parfois sans prévenir. Ça arrive comme ça, c'est évoqué en filigrane, c'est très épuré. Ouais, finalement, il y a un énorme effort sur les dialogues aussi, sur les mots qu'ils utilisent, sur chaque mot qui est utilisé par les personnages. On ressent qu'il y a un effort qui a été posé sur les dialogues parce que, comme tu dis, au bout d'une phrase ou dans un non-dit, voilà, il y a toujours quelque chose caché dans les dialogues et donc, je pense que c'est passionnant à regarder, quoi, et passionnant à suivre parce que on se demande ce qui va se passer, quoi, et la fin, oui, elle est glaçante, pour reprendre un mot que tu utilisais avant, vraiment, c'est enfin moi personnellement je m'y attendais pas du tout et c'est bizarre de... Enfin, je veux pas le spoiler parce que vraiment, il faut la le fin, voir, en fait, on sait même pas si c'est un happy end. Si c'est... Non, franchement, il y a pas... pas. Ouais. C'est un mix des deux, bizarre. Voilà. Mais franchement, moi je n'ai pas regretté d'aller voir ce film et je vous le conseille énormément. Voilà. Ok, passons à la suite du coup. Pour Eddie, on va parler de Call Me By Your Name. Eddie ? Oui, pardon. Non, je pensais qu'il y avait autre chose avant. Désolé, vas-y. Alors, Call Me By Your Name, c'est pas forcément un film que j'attendais beaucoup jusqu'à ce qu'on commence à en parler. En fait, j'étais pas trop au fait de son existence. Et il s'est trouvé que mon cinéma le diffusait et qu'on savait pas quoi aller voir. Donc, du coup, voilà. Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses. Ouais. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été une très bonne surprise. Je partais quand même plutôt confiant parce que j'avais eu que des bons retours. Et du coup, ça m'intriguait. Et c'est pas évident d'en parler parce qu'en fait, c'est un film qui pourrait. Le pitch est hyper classique, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est de la manière dont c'est fait ou que c'est vraiment intéressant. C'est que c'est un. C'est un long métrage vraiment qui, c'est vraiment, on a vraiment l'impression de vivre un été en fait, des vacances avec tout ce qui, les vacances quand on est ado et tout ce qui va avec quoi. D'accord. Je pense que c'est un peu la meilleure manière de le décrire. Et bien sûr, quand on tombe amoureux pendant les vacances et qu'on sait que. On s'accroche alors que il y aura une fin forcément. Mmh. Et le film en fait c'est tout ça et le réalisateur arrive à nous emmener là-dedans en fait le procédé est très simple mais c'est que tout fonctionne tellement bien surtout ouais. C'est ça en fait c'est, d'accord ouais. Évidemment, on sait que on s'attend à avoir une histoire d'amour, on s'attend à ce que ça soit plutôt beau, on s'attend à ce que ça soit triste aussi, et on a tout, mais tout est tellement bien fait que ça fonctionne à fond la caisse en fait. C'est pas du tout. C'est le genre de film sur lequel j'aurais pu cracher d'habitude parce que je me dis, c'est le genre de truc qu'on a déjà vu plein de fois, et en fait, non, pas du tout. Enfin, bien sûr qu'on l'a vu plein de fois, mais pas aussi bien que ça en fait. D'accord, ouais. Donc ça fait du bien de voir un film qui renouvelle un peu le genre du drame romantique. Et après, que ça soit une romance gay, en fait, ça change pas grand-chose. Oui. Ça aurait été une romance... hétéro, ouais. C'est un peu comme La vie d'Adèle, quoi. Ça aurait été une romance classique à partir du moment où c'est bien amené comme ça et où c'est bien retranscrit comme ça, ça fonctionne en fait. Mmh, ouais. Donc voilà. Après, oui, forcément, les deux acteurs sont magnifiquement filmés. Mmh. La mise en scène, elle est très. C'est très sobre et en même temps très, très précis. Mmh. Et ça participe vraiment à l'ambiance en fait, générale du film. Et on a vraiment cette sensation de torpeur quoi, dans l'été où tout s'arrête un petit peu et où on passe nos journées un peu à rien faire, à observer un peu. Enfin, vraiment, hein, c'est vraiment où on se pose. Et en fait, le film, c'est ça aussi. On se pose pendant 2 heures avec ces personnages et on vit vraiment leur histoire. Quoi. Enfin, c'est vraiment un film qui m'a vraiment permis de me déconnecter, en fait, surtout. Oui, d'accord. Et voilà. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Timothée Chalamet est très bon, je trouve. J'espère qu'on le verra plus parce que du coup. Oui, on le voit beaucoup en ce moment. On le voit dans Lady Bird, on le voit dans. Il y a un autre film avec qui. Attends, on l'a vu dans Lady Bird, on l'a vu dans un autre film il n'y a pas longtemps. Oh, je sais plus. Fois où je l'avais vu, c'était quand il jouait le fils de Matthew McConaughey dans Interstellar. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et voilà, après Armie Hammer, qui est un peu plus habitué quand même à l'exercice, qui du coup est très bien aussi. J'avais un peu peur qu'il soit trop vieux pour le rôle, et en fait, non. Ouais. Ça va, ça passe bien. C'est surtout son doublage français qui est un peu bizarre, puisque forcément je l'ai vu en français. Ouais, hein. Oui, du coup. C'était même pas la peine d'espérer le voir en VO. Ouais. Non, c'est qu'ils lui ont. Son doublage français, en fait, le problème, c'est que je sais pas si vous voyez, enfin si ça va vous parler, c'est la même VF que Dennis Quaid. De. Dennis Quaid qui joue dans Jour ouais, d'après, alors... tout ça quoi. Ah, Bernard Lano. Il s'appelle Bernard Lano. Oui, c'est la ouais. VF de comment il s'appelle de Kevin Costner aussi. Ah oui, d'accord. Et de Alec ouais. Baldwin. Et de Alec Baldwin. Okay. Voilà. Ouais. Et en fait, bah, c'est bon, bah, c'est une voix ouais. très adulte quoi. C'est oui, pas oui. forcément ouais, la. C'est clair. Pour camper ah, un mec de 25 une... ans, c'est, ouais. pas ouais, le... c'est clair que c'est pas le bon choix quoi. C'est, ben ouais. voilà. Bon après, moi je suis un mauvais exemple. J'ai pas du tout la voix d'un gars de 25 ans, mais, oui, non, mais pas c'est la pas... voix d'un gars d'ailleurs. Mais. Non, mais Bref. Mais du coup. Mais du coup, oui, c'est. Bah, ça, c'est un, ça peut, ça, au début, ça me sortait un peu du film. Je me suis dit, bah, c'est dommage. Mm. Sinon, merde, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est la sortie du film. Ouais, la ça, m'a un peu, bah, ça m'a un peu sorti du personnage, surtout. Où ouais. je me dis, bah, oui, mais le mec a 25 ans. ouais. On voit d'un quadra, quoi. Donc, c'est un ouais. peu. Bref. Oui, c'est clair, c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, ben voilà, mais bon, après, c'est un petit détail. Mmh. Sinon, non, mais l'acteur est très bien, par contre, est très très bien. Et puis, il y a ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est que il y a beaucoup de symboles. Par exemple, enfin, le Elio qui est joué par Timothée Chalamet, mmh. Il est dans une famille. Bah, c'est un peu des érudits, quoi. C'est vraiment son père, il est bon, il me semble, hein, j'ai pas été voir dans le détail, il est professeur en archéologie, je crois, ou en histoire antique, en tout cas. Enfin, il y a il est calé dans le domaine, ouais, c'est une famille voilà. très sa mère, c'est un peu un esprit libre qui s'intéresse à tout, qui porte aucun jugement aussi, du coup. Mm-hmm. Et du coup, Armie Hammer, qui joue Oliver. Bah lui il vient, c'est un étudiant en fait qui va passer l'été dans cette famille là mmh. Et il y a toute une symbolique en fait autour de l'antiquité aussi, et du coup ça fait écho à la Rome antique forcément, puisque le film est tourné en Italie ouais. où il y a un peu on avait dans l'antiquité ce culte de l'éphèbe quoi, ses corps parfaits, tout ça. Et en fait, Oliver représente un peu ça pour Elio. D'accord. Ouais. Et le film met beaucoup en avant tout ça. Enfin, de toute façon, Luca Guadagnino arrive vraiment à transmettre tout ça, en fait, dans sa mise en scène. Et c'est assez subtil. Il n'y a pas de... C'est pas un film qui est balourd, en fait, dans sa manière mm-hmm. d'approcher son sujet et sa manière de vouloir le montrer. Parce que souvent, il y a des... Je trouve qu'il y a des films qui essaient de faire de la métaphore ou du symbolisme, mais qui le font... Ouais, de manière un peu trop... Ouais. Et du coup, ça a plus de sens, en fait. Mm-hmm. Alors que là, pas du tout. Donc voilà, après, évidemment, ça touche à plein de thématiques, à l'adolescence, à la découverte de sa sexualité aussi... Bah, voilà, moi je trouve que ça entreprend très bien tout ce que... Ça réussit très bien tout ce que ça entreprend, souhaite entreprendre. Et pour le moment, moi, c'est clairement, je pense, mon film de l'année. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, en même temps, j'ai pas beaucoup de comparaisons. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est vraiment... ça m'a vraiment emporté, quoi. Ok. C'était très, très beau. Et voilà, c'est classique, oui, mais bon, moi, ça non, mais c'est... Donc. Ouais, voilà, ouais. Et puis ça fait du bien surtout de voir une romance qui sort un peu des sentiers battus quoi. Oui, c'est sûr. Ça m'a pas fait, évidemment c'est pas le même impact que La vie d'Adèle où c'était très où c'était plus frontal, où c'était vraiment plus dans, on était encore plus dans l'intimité des personnages. Ouais. C'est ce qui pouvait même déranger certaines personnes forcément. Là on est plus dans l'artistique pur en fait. Et c'est ce qui, moi, me plaît, en fait. Quand un film arrive à allier autant son propos que la manière de mettre en scène tout ça. Ouais, ok. Voilà. Morgane, toi, tu l'as vu aussi, du coup ? Oui, je l'ai vu. Tu as quelque chose à dire ? Oui, j'ai des choses à dire. Parce que, alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Eddie. Justement, moi, je reproche au film parfois d'être un tout petit peu lourdingue dans sa symbolique. Ah ouais ? Je trouve, oui, notamment une scène justement de diapo où il est question justement de statues grecques et tout. Je me suis dit, on a compris où tu voulais en venir, pas la peine d'insister. On a compris. À côté de ça, oui, mais je après, trouve que c'est... soit c'est ça. Enfin, là, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, c'est aussi le. C'est le cœur du film aussi. C'est que... Oui, mais c'est dit dès le départ, en fait. Dans oui, le, dès le générique du début, en fait. Le personnage, et à chaque fois, c'est l'un des moteurs, en fait, aussi. Bah, c'est pas film. Là-dessus, en fait, que le film m'a touché. Moi, il m'a touché vraiment dans son évocation. Même si tu... Bon, après, je sais pas si toi, tu t'y connais un peu en histoire antique, mais oh, pas du tout. Mais, voilà, mais, donc mais, c'est peut-être pour ça que ça t'a moins parlé, mais... Non, c'est que j'ai vite compris le parallèle au final, et puis finalement je me suis dit bon ok d'accord on a compris. Oui mais c'est qu'en fait au-delà de la symbolique du corps et tout ça, c'est que l'homosexualité et était pas considérée comme quelque chose de contre nature en fait, que ça soit chez les Romains ou chez les Grecs. Et en fait c'est à ça aussi que le film fait écho, c'est que et c'est aussi les questions que se pose Elio, et après on comprend que c'est les mêmes questions que se pose Oliver, c'est que parce qu'au départ on se doute bien qu'ils finiront ensemble, mais c'est pas forcément dès le début. Ouais. Et c'est ce qui réunit ces deux personnages en fait, c'est qu'ils avaient, ils ont les mêmes questionnements, et on se doute bien que celui qui a choisi de faire ses études là-dedans, c'est parce que il se sent peut-être proche aussi d'une civilisation qui ne porte pas de jugement, qui n'aurait pas porté de jugement sur ce qu'il était. Et c'est en ça en fait que je trouve que c'est beau de revenir toujours à parler en fait de l'Antiquité, que ça soit un des moteurs en fait du film. Je trouve qu'il en parle trop juste. Il en parle un petit peu au début, puis à un moment, la scène du diapo, j'ai compris la fascination du corps et tout. Bon, j'ai compris ce que représentait. La scène de réconciliation avec la main de la statue, je trouve que c'est assez beau aussi. Là. Oui, il y a des petits trucs comme ça, mais il y a 2-3 moments, je me suis dit, bon, la subtilité peut-être y échappe un petit peu, et du coup, j'étais très axé sur son évocation du souvenir. Et c'est un film qui joue là-dessus, parce que finalement, cette esthétique, on va dire, idéalisée, parce qu'on est dans un contexte idéalisé, on est dans un milieu idéalisé. Ah oui, la famille, c'est des érudits, il fait un temps magnifique, la ils famille, elle est... Ils mangent des pêches, ça te donne envie Ils font plus que de manger des pêches. Oui, ils font pas que ça, bien sûr. D'ailleurs, c'est une scène magnifique, d'ailleurs, et je trouve justement que, je vais pas en dévoiler, mais et en fait, finalement, je me suis dit, mais c'est quand même assez idéalisé, finalement, et j'ai compris que nous-mêmes, en tant qu'humains, quand on a des souvenirs, les souvenirs, ils sont toujours bien idéalisés. Sûr, exactement. On idéalise tout. Et le film, en fait, arrive à amener cette idée. On garde les bonnes choses. D'ailleurs. Oui, c'est clair. Ah oui, voilà. C'est un mécanisme du cerveau. Hein. C'est biologique, c'est, c'est clair. C'est... Pour ça, on est beaucoup nostalgique parfois de notre enfance, mais peut-être qu'on a eu une enfance des fois un peu compliquée et tout, avec des moments moins bien, mais ceux-là, on les oublie. Et donc, je quand que tes parents arrive... te disent que toi, que t'es au collège et que parfois on t'emmerde et que t'en as marre et que tu te dis j'ai envie de... vivement que je me casse du collège et tout, ils disent ah oui mais quand tu seras dans le monde du travail, moi franchement j'aimerais bien retourner à ta place et tout, ouais c'est clair, c'est un peu ce principe là quoi. Ouais. C'est non t'aurais pas envie d'y retourner parce que tu te rendrais compte que c'est pas si facile que ça en fait. Voilà, et je trouve que cette idée du souvenir, le film le traite parfaitement bien, et c'est ça qui m'a plu dans le film. En termes de personnages aussi, je l'ai trouvé très fort, et alors le personnage qui m'a le plus touché contre toute attente, c'est le papa. Ah bah il oui, y a une scène, a voilà. Monde, le papa, hein. Ah oui, non, mais sans, la scène de discours une... à la fin, là, c'est. Le discours, voilà, j'étais là, ça méritait vraiment, j'applaudissais sur place et tout. Après, sur l'histoire d'amour en elle-même, l'histoire d'amour. C'est une belle histoire quand même. C'est une très belle histoire, c'est pas ce que je dis, c'est puis filmé c'est avec énormément. Elle est surtout crédible, c'est ça aussi. Oui, ça je l'ai pas dit, mais c'est important, oui, parce que. Elle est crédible, même si je trouve que Timothée Chalamet, qui est très bien, a tendance un tout petit peu à minauder. Je trouve que même dans Lady Bird, il joue toujours un peu de la même façon. Ouais. Donc, il se Kristen Stewartise un tout petit peu dans son jeu. En plus, les personnages sont exactement les mêmes dans Lady Bird, à peu près. Dans Lady Bird, il est, en termes de, ils ont les mêmes soucis, on va dire, moteurs. Pour pas trop en dévoiler, voilà. Mais en tout cas, je trouve qu'il a tendance un petit peu à jouer toujours de la même manière. Et c'est Armie Hammer, moi, qui m'a surpris, en fait. Parce que Timothée Chalamet, c'est un très bon acteur, lui. Mais le problème, c'est qu'on... On le sait pas. C'est ça. En fait, il n'y a pas beaucoup de films qui nous permettent... je pense que il est rarement bien dirigé. Et c'est dommage, parce que, en fait, c'est, je pense que c'est... Chez Fincher, vraiment... il était bien, par contre. Oui, bah oui. Il est même doublement bien. Mais, voilà. Le problème, c'est qu'il a... Il a plein de choses, je pense, à offrir, en fait. Mais son potentiel n'est jamais exploité à fond. Et bah, Mirror. Il joue Prince, quoi. Ouais. Voilà. Mais vrai, j'ai trouvé qu'il y avait une belle alchimie entre les deux et que c'était une histoire d'amour. Finalement, il y a une universalité dans le propos. Et je l'ai vu, moi, dans la salle. Les gens qui allaient voir ça, il y avait vraiment tous les âges, tous les genres. Mm. Et c'est ça qui était beau, parce que le film, au final, c'est pas une romance gay, c'est une romance. Et c'est traité comme tel. Et, c'est pas et les films gays que tu retrouves sur Netflix, par exemple. Voilà, c'est et je après est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, c'est pas je non c'est pas ça, mais c'est que du coup c'est que mais... c'est ce qui... enfin moi ce que j'aime en fait dans la démarche, c'est que c'est ça peut aussi être fédérateur, quoi. Bah c'est très fédérateur, franchement. C'est, je pense ça, que le film marche pas trop mal d'ailleurs, donc c'est cool. Dans les réceptions, en tout cas, les gens aiment ce film parce que c'est vrai que c'est un film qui touche tout le monde à certains aspects. On a tous vécu peut-être ce premier amour. Et finalement, on peut tous s'y retrouver quelque part. Et même si on s'y retrouve pas, on peut qu'être attaché par ce côté familial. Enfin, je veux dire, les repas de famille qui durent jusqu'à 15h, on l'a vécu, oui, tout les ça. Les soirées qui s'allongent et puis que tu joues un peu de musique ou tu danses. Ou, voilà, c'est vraiment l'été, quoi. C'est les vacances. Ouais, les activités solitaires avec des fruits et tout. Bon, en ce moment, je suis sur les bananes, mais bon, lui, c'est les pêches. J'ai peur, j'ai trop Oh putain. J'ai tenté les courgettes, mais ça rentre pas. Mais en tout cas, et il y a quand même, pour revenir très sérieux, ça va être difficile de rebondir. Mais tu es en train de gâcher un beau débat avec des... Ah, c'est pas possible. Mais justement, je vais parler de cette scène-là qui commence par quelque chose d'assez burlesque finalement, qui ensuite amène un côté assez romantique, à la fin assez tragique. Et je trouve que il y a quand même de temps en temps des scènes qui surprennent par leur démarche esthétique aussi, parce que je trouve qu'il y a quand même... Et c'est même assez frontal en plus. C'est très frontal. C'est frontal sans l'être. Et moi, c'est ça que j'aime aussi, parce que... Là, c'est de l'érotisme, quoi. C'est érotique à mort. Mais un érotisme qui est filmé sans insistance, qui fait que justement, on peut pas... Alors, selon Durendal, c'est faussement... Alors, comment qu'il a dit ça? Je suis pas Durendal, hein, donc. Mais moi non plus. Mais moi non plus. Mais en fait, à chaque fois que je tombe sur une vidéo de lui, en fait, à chaque fois, j'arrive à trouver un truc qui m'énerve. Donc, ouais. Mais j'en regarde une, je sais pas, peut-être deux fois par an, quoi. Mais après, je peux comprendre. Ouais, après, mais je peux quand comprendre. Dit, c'est lui qui vois, pense ça. Ce que je trouve con, c'est, enfin, c'est con. Il a mis en avant un truc con. Après, on n'est pas là pour parler de lui, mais quand il dit, par exemple. Que c'est faussement oh merde, je vais pas arriver à le sortir, qu'en gros le film ne plaide pas ouais, il y a pas de souci, ouais. Que le film ne plaide pas pour la cause gay, parce que quand Timothée Chalamet, bon, je spoil un peu mais c'est pas trop grave non plus, couche avec une fille dans le film, bah, le réalisateur montre en fait la scène, alors que quand il a sa première relation homosexuelle, hop, tout de suite on fait un cut. Enfin, c'est une conclusion qu'on peut, enfin, vraiment. Bah, voilà. Oui. Et en fait, enfin, non, parce que, enfin, je veux dire, je trouve que c'est con en fait d'en arriver à cette conclusion-là, parce que ça veut dire que t'es pas capable de voir au-delà en fait que cette relation. C'est très noir et blanc là, comme réflexion. Bah, oui. Alors que le film, c'est pas que ça, comme le dit Morgan. En plus, vu que ça évoque le souvenir, j'ai pas un bon vieux mec hétéro qui a 40 balais va être capable de se rappeler sa première expérience avec une fille en voyant ce film, je pense. Avec tout ce que ça implique, bah justement, oui, vu qu'à un moment donné... Parce que c'est un film par des émotions plus que du physique. Oui, il le dit aussi. Le rapport au physique, il est assez omniprésent dans le film quand tu regardes bien. Mais ça, finalement, c'est pas... Enfin, c'est... Bah, disons voilà, que l'émotion en fait d'une première expérience amoureuse est bien retranscrite et elle est assez universelle, mais que par contre le traitement du désir dans le film est quand même plus axé oui sur la relation entre ces deux garçons. Mais bah, y a est-ce une qu'il tension, avait le enfin c'est compliqué de faire autrement aussi, je pense. Ça reste quand même une romance entre deux hommes, donc. Mmh. Oui, mais ça joue pas là-dessus. Il y a une tension érotique, qui pourrait. Ce serait un garçon et une fille, ce serait la même chose. Il y a une tension érotique qui est là jusqu'à temps qu'ils se rencontrent et puis qu'ils aient. Même nous, finalement, on est impliqués. Il y a une scène, justement, qui se passe après leur, entre guillemets, première fois, où ça dérive un peu, où le personnage d'Armie Hammer va taquiner Timothée Chalamet. Et à ce moment-là, on est frustré avec lui. Et je pense que tu sois hétéro, que tu sois gay ou bi ou enfin non, voilà, je pense que tu peux sentir la frustration et c'est pour ça que je trouve le film vachement universel parce que dans la salle ça a réagi aussi que des femmes, des hommes et tout qui étaient comme lui en fait, étaient là ah c'est dommage pour toi et vraiment il l'a dit comme ça à l'écran ah bon, c'est en soi, dommage la scène pour pas... l'idée c'était ça quoi. En soi la scène n'est pas crédible parce que moi j'aurais été Armie Hammer, j'aurais continué, mais bon ça on en parlera. Mais ça c'est pas crédible hein, c'est pas crédible, je suis désolé, c'est le seul truc du film où je me suis dit putain merde non ça c'est pas vrai. Armie t'es con, c'est con, t'es con. Armie t'es con, enfin voilà, non là on t'offre le bras et tu cul, le prends pas, ben, faut faire quelque chose là. Ouais, voilà, oui. C'est l'image est bien choisie. Mais en tout cas, voilà, non, mais c'est un beau film. Maintenant, c'est vrai que la hype globale, la subtilité nous caractérise dans cette émission. C'est vrai. Ouais, moi, avec le coup avec les bananes. On a parlé de bananes et de concombres, c'est bon. Voilà. Oui, oh, bon, on est plus après. Hein. Courgettes, c'est pas pareil. On va même parler de personnes qui fricotent avec des amphibiens. Alors, tu sais, on est ouais, c'est vrai. Le problème. Non, le problème, c'est que la peau des concombres, ça s'effrite et puis il faut. Putain, mais j'avais pas besoin de détails, merci. En tout cas, d'ailleurs, il faut les faire bouillir avant. Hein. Les faire dégorger. Avec oui, un peu de sel, ça passe bien. C'est mais bon, ça. Après, le seul souci avec la courgette, c'est que ça donne un goût salé à la ratatouille et ça, c'est pas très. C'est pas très. Voilà. C'est devenu quoi ce podcast au bout de 38 épisodes quoi. Bah, on est en partenariat avec Jean-Marie Bigard et puis Laurent Baffy. Bon, en tout cas, voilà, très beau film. Néanmoins, voilà, la hype globale. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu un petit moment de recul quand j'ai vu le film et j'aurais besoin de le revoir après coup, dans quelques mois par exemple, une fois que toute la hype sera un peu passée, parce que finalement, quand un film est trop bercé dans la hype, on en parlera après avec le Del Toro, j'ai tendance à me dire, j'ai du mal à prendre ça pour un film, j'y a une pression qui s'installe et du coup je suis un peu... Ouais, tu voilà. Te sens obligé et... d'aimer parce que tout obligé. Le monde aime. Ou alors parfois obligé de détester, ouais. Comme un film dont on parlera tout à l'heure. Finalement, envers et contre tout, j'ai aimé le film. Mais il y a des films comme ça où on a peur de... Et là, finalement, il y a... Bon, la réserve, c'est que c'est un petit peu long peut-être. C'est vrai que ça dure quand même 2h15. Non, 2h10. Par contre, en termes de générique de fin... Oh, le dernier plan. Il est absolument somptueux. Déchirant et somptueux. Alors là, bravo. Là, c'est du... Ouais. Oui. Ok. Voilà. Ok, bah très bien, très mais bien. Mais du coup, Axel, je pense que t'aimeras bien quand même. Oui, bah je vais le voir. Il me semble l'avoir téléchargé légalement. Donc oui, il est déjà, enfin en sur les sites américains, puisqu'il est sorti il y a plus longtemps aux États-Unis, voilà. Ah, il est disponible. Oui, voilà, c'est pour ça. Bref, donc je le verrai sûrement prochainement, en même temps que Three Billboards, que je dois voir aussi. Donc oui, voilà. Bon, je l'ai vu, mais oui. Je me suis dit est-ce que j'en parle ou pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, du coup tu je l'ai rattrapé. Oui. Voilà. Et moi je l'ai revu et c'est mon film de l'année pour l'instant. Pareil, ouais. Il est dans mon top 3, ouais. Je pense. Enfin, c'était tellement. De toute façon, je pense que j'en parlerai le mois prochain puis quand je le. Oui, bah, du coup, je ferai un petit rappel. Dear voilà. Anne. Voilà. C'est deux mots. Dear Anne. Oh là là, mon Dieu. Cette scène-là. Je pleure. Ok, donc tu parlais justement, Morgan, d'un film que tout le monde déteste publiquement. Oui. Publiquement. Donc il s'agit de La Ch'tite Famille, le dernier film de Danny Boone. Non, il n'est pas détesté publiquement. Oh. Il est détesté avant parce que oui, c'est voilà, Danny c'est ça. Ouais. Mais quand on regarde les retours, même les anti-Danny Boone, il y en a qui se disent ça va. Ouais. Ça se regarde. Bon, ils le disent un peu avec. Oui, à deux moi, j'ai deux voilà. Sons de cloche parce que j'ai deux personnes. Alors, j'ai deux sons de cloche. J'ai plusieurs personnes, dont toi, Morgane, qui trouvent en fait que l'élan émotionnel du film fonctionne et d'autres où justement ça fonctionne pas du tout pour eux. C'est bah, surtout c'est ça qui revient en place plus que de la détestation ou du... Alors, moi, c'est vrai que j'avais, avant que le film sorte, parce que, oh là là, il va faire Bienvenue chez les Ch'tis 2, moi-même, j'avais peur de ça. J'y suis allé en me disant, parce que moi, Danny Boone, j'ai rien contre lui dans l'absolu. Je ne l'aime pas en tant que réalisateur, parce que je trouve ses films pas très bons, sauf La Maison du Bonheur, que je continue de défendre, qui est un film très drôle, vraiment drôle. Et en plus de ça, ceux qui reprochent à Danny Boone d'être dans l'outrance et dans le surjeu, il est très sobre dans ce film-là, donc vous pouvez y aller. Et il y a surtout des seconds rôles très drôles dans La Maison du Bonheur, Zinedine Zoualem ou même Daniel Prévost en agent immobilier, un vrai truand, et qui est vraiment très drôle. Donc c'est son premier film sorti en 2007, et franchement, voyez-le, il est vraiment très bon. Après, moi, les Ch'tis, je suis pas fan, j'ai pas compris l'engouement, même si voilà, je crois que le côté un peu plutôt fait rire quand même. Moi aussi ouais. Non mais c'est attachant, mais je n'étais pas là. Ah non non, mais après là, c'est un peu le souci. C'est clair, c'est que quand tu le revois après, c'est plus compliqué. Voilà, on s'est bien rigolé tout au cinéma, ça. C'est vrai qu'après quand on le revoit, ouais, ce soir, bon, c'est ça, c'est c'était populaire, voilà, c'était une comédie populaire qui faisait pas de mal à par contre qui faisait de mal à personne, rien à déclarer, ou c'est ça, non, rien à déclarer. Ça c'était vraiment pas, ouais, c'était vraiment pas bon, quoi. C'était pas bon, et Red Dingue était une très mauvaise comédie, mais un Superchondriac aussi, c'était affreux. Ouais, Superchondriac c'était pas bon, et comment ça s'appelle, Red Dingue, lui, alors, était maladroit en termes de comédie, même raté et gênant. En revanche, dans la façon de filmer les scènes d'action, je trouvais qu'il s'en sortait bien. Et je me suis dit, tiens, si Danny Boone pouvait faire des films d'action, il pourrait y avoir quelque chose. Mais pourquoi Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste le phrasé qui m'a fait. Enfin, je m'imaginais, mais c'est vrai. Mais enfin, non, mais il a raison, parce que c'est vrai qu'il y a. Moi, j'ai regardé la critique du Cercle, en fait, sur le film. Enfin, j'ai regardé la critique du Cercle et, dans la semaine où ils en parlaient. Et il y a Marie Sauvion qui mettait quelque chose en avant, enfin, de toute façon, Marie Sauvion, voilà. Et elle met souvent le doigt, en fait, sur des trucs intéressants. Et elle disait, c'est le mec le plus puissant du cinéma français, et il pourrait faire ce qu'il veut, mais il veut pas. Et c'est ça le problème, en fait. Il est dans une espèce de confort, je pense qu'il aime bien, mais en même temps c'est un confort que je trouve pas vraiment opportuniste. En tout cas, la Ch'tis de famille m'a prouvé que je ne peux pas taper sur lui. Encore une fois, je pense de toute façon que le succès ne plaît pas chez nous, et qu'on a tendance à taper sur ceux qui réussissent. Il y a Danny Boone, il y a Kev Adams, hein, tout le monde y passe, à la télé il y a Hanouna, dans la musique il y a Kenji et Maître Gims, voilà. Quand tu vends trop, quand t'as une couverture médiatique trop imposante, forcément tu te fais taper dessus, et puis c'est toujours mieux avant. Alors que je suis désolé, mais quand on me dit, oui, les films de Danny Boone, il y a pas de, comment dire, de démarche cinématographique. J'ai beau adorer Louis de Funès, mais qu'on me cherche de l'ambition artistique dans L'Aile ou la Cuisse, par exemple. C'est un des films préférés, mais il n'y a pas d'ambition artistique dans L'Aile ou la Cuisse. C'est de la comédie. C'est de la comédie pure. C'est la comédie pure. Voilà. Et mais après, on rit pas, mais c'est autre chose. Mais dans La Ch'tis de famille, l'art de la comédie en soi, c'est de l'art, justement. C'est tellement difficile de faire rire, en fait. Je crois que c'est vraiment le truc le plus délicat au monde. Danny Boone, après, je dis pas qu'il fait rire, mais il fédère. Alors voilà, il y en a qui fédèrent, il y en a qui ont la carte. Les ferveurs du public, les Tuches, c'est pareil. Les Tuches, finalement. Bon, j'ai aimé le troisième. Bon, voilà, c'est de la comédie populaire. Bon, voilà, ça fédère. Mais ça fait pas de mal. Je préfère finalement après, un film comme. Après, c'est différent. C'est les Tuches. Bon, t'as vu le premier, tu vas voir le deuxième, tu vas voir le troisième. Quand tu vas voir le deuxième et le troisième, après tu le prends aussi pour ce que c'est, quoi. Donc bon. Oui, et finalement, il y a des comédies qui sont problématiques, qui sont dangereuses et tout ça. Mais franchement, La Ch'tis de famille, c'est tellement bourré de tendresse que je peux même pas taper dessus. Au contraire, le film m'a ému vraiment surpris. Parce qu'effectivement, là où je me suis dit Danny Boone va faire un Ch'ti numéro 2, c'est pas du tout ça. Dans les Ch'tis, c'était plus une affaire de potacherie, des gags un peu que je trouvais pas terribles, la tournée du facteur, c'était un peu. Voilà, c'était du surjeu, ça me faisait pas vraiment rire, franchement. Mais indépendamment de ça, le film était quand même assez attachant. Et là, il se dit. C'est une déclaration d'amour, en fait. Danny Boone, c'est quelqu'un de vachement intègre, finalement. Effectivement, c'est le roi du box-office. Bon, il en faut bien. J'espère qu'il fera autre chose, mais en tout cas avec ce film-là, c'est l'occasion pour lui de crier son amour ultime à ses racines, à sa région, à sa famille. Et sa famille, c'est aussi sa famille artistique, parce qu'il y a Lynn Renault qui joue le rôle de sa maman, qui est très bien dans le film et très émouvante. Et c'est une façon pour lui de tendre vers l'émotion. Et il y arrive avec avec tous les honneurs. Et sur le plan de la comédie, elle est pas envahissante. Il y a quelques scènes qui sont de l'ordre du burlesque aussi. Il y a une scène dans la salle de bain où, ceux qui ont vu le film comprendront. Finalement, ça joue sur un pouvoir de gestuel, enfin sur un comique de gestuel qui est assez réjouissant. Moi, qui m'a fait rire. Après, l'humour, le dialecte ch'ti, franchement, de temps en temps, m'a un peu fait suer parce que bon, au bout d'un moment, c'est rigolo, mais les mots déformés, ça va 5 minutes. Ouais. Mais finalement, il n'insiste pas vraiment là-dessus. C'est pas un film là-dessus. J'ai été surpris par le ton, par le ton très émouvant du film et cette sincérité. À aucun moment, je me suis dit. Mais qu'est-ce que c'est opportuniste ? Alors qu'il y en a déclaré, ça l'était finalement, je trouve. Ah oui, complètement. Lui, ça sentait le truc. Ouais. Que là, je me suis dit, c'est tendre. Il parle de lui, il parle de la famille. Alors là, pour le coup, on est dans un thème très universel, parce que finalement, il y a des gens qui snobent leur famille quand ils réussissent, pas que dans le milieu artistique, dans tous les milieux. Mmh. Et finalement, c'est une façon pour lui de rappeler que la famille, c'est important. Et je trouve que dans sa morale, qui fait peut-être un peu Disney, bah en tout cas, ça fait pas de mal. Parce qu'à l'heure où on dit que les comédies françaises sont juste des trucs dangereux, homophobes, sexistes et j'en passe, bah là, on a quand même un mec qui est tendre. Mmh. Et je trouve que c'est un film qui lui ressemble. C'est tendre, un peu balourd par moment, mais finalement, pas désagréable. Et moi, je trouve que c'est un film qui familial, qui plaira. Et il y a une scène de fin d'ailleurs qui est très belle et qui est un hommage à Johnny Hallyday. Je pense que ça a été... retourner derrière, ouais. Oui, parce qu'on voit Pierre Richard qui chante Que je t'aime en version ch'ti, et je pense que ça a été rajouté parce qu'à la fin le film est dédié à lui, et Johnny et Danny étaient amis très proches, et ça aussi ça m'a fait un petit peu d'effet parce que la mort de Johnny finalement elle m'a plus affecté ça encore aujourd'hui, je suis voilà, et donc voilà, c'est un film qui ressemble à Danny Boone. Mettez vos a priori de côté, je dis pas qu'il faut aller le voir en salle, mais franchement si vous mettez, voilà, je vise certaines personnes, hein, mais si vous mettez votre côté blasé, votre côté hater, et il faut taper sur Danny Boone de côté, vous pouvez vous laisser prendre dans le truc. Je pense que vous pouvez vous laisser attendrir. Ça va pas vous tuer, franchement. Mmh. C'est okay. Pas mal, ça se regarde, c'est très beau. Très bien, très bien. Eh ben, passons du coq à l'âne avec, tu veux nous parler, Morgane encore, de Cloverfield Paradox. T'en avais parlé un petit peu dans le dernier Parlons Cinéma, mais voilà, tu voulais quand même faire un point avec l'audience Movies Nerd pour dire ce qui se passe. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien. Il se passe rien justement. On a eu un magnifique coup de com de Netflix qui ont sorti le trailer de Cloverfield qui devait s'appeler God Particle, mais qui en fait s'appelle Cloverfield Paradox. Le trailer est sorti la nuit du Super Bowl. Et le film, qui était prévu de base au cinéma, puis de base sur Netflix au mois d'avril, ouais. Finalement, il est sorti dans la foulée. Il y a eu la bande-annonce et là, ça a été un coup de com' énorme. Oui. On se dit, mais c'est dingue, c'est à marquer l'histoire. Et finalement, derrière ce coup de com', derrière, on sent le prétexte de la Paramount à se dire, les gars, on a fait un film, ça sent très mauvais, on peut pas le on sortir. On peut pas sortir en salle, ça. C'est pas possible. Ah bon, pourquoi ? Bah écoute, gars, on est en avril. En avril, il y a Avengers. Ouais. Et il y aura des problèmes. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on va peut-être appeler une production poubelle. Netflix ? Bah, allez bien, ils vont bien nous le prendre. Eh ben en gros, c'est ça. Ils ont fourgué ça à Netflix, qui sont capables du meilleur comme du pire. Et là, franchement, c'est le pire. Alors on sent que voilà, Netflix, c'est la roue de secours. Et quand on est comme moi, qu'on a adoré le premier et méga adoré, mais vénéré, Ten Cloverfield Lane, qui était même pas un Cloverfield, c'était un huis clos claustrophobique et paranoïaque, démentiel et anxiogène. Mm. Bah là, en fait, on est dans un survival spatial, mais classique au possible, qui surfe évidemment sur Cloverfield. Là, finalement, le lien avec Cloverfield est évident, notamment dans les dernières minutes. D'accord. Même dans le dernier plan, mais qui est de l'ordre du nanar. Mais on dirait, ça annonce Sharknado 8. Hein, mais vraiment, c'est pas possible au cinéma. Mais je pense que pendant les projos, si le film avait été diffusé comme ça, mais je pense que les gens auraient applaudi. Enfin, c'est aussi ridicule que le high mark de Tommy Wiseau, ouais. Dans The Room, hein. Vraiment, hein. Oui, j'ai vu l'extrait, c'est vrai que c'est particulièrement ridicule. Et high mark voilà, ouais. Et finalement, donc derrière la hype et le du coup de com, franchement, chapeau, c'est réussi. Mais on sent quand même le projet casse gueule, qu'ils ont pas voulu sortir en salle, et ça se voit parce que, mais alors, premièrement, c'est chiant. Voilà, c'est un huis clos spatial, c'est chiant. Alors moi, quand ça se passe dans l'espace, en général, je suis plutôt gentil dans mes notes. Hein. Passenger avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, franchement, j'avais plutôt aimé. Voilà, c'est cool. Tu me mets dans l'espace, t'es mon ami. Bah là, non. Hein. Franchement, parce que déjà, le lien avec l'Overfield est obscur pendant une heure et demie. Après, les dix dernières minutes, on comprend. Mais finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce que le film, en fait, il a été fait, ok, je l'ai vu, mais autant que Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, il y avait un lien avec Cloverfield, et en même temps, il se démarquait un petit peu, il arrivait à être indépendant tout en s'imbriquant dans l'univers. Là, en fait, il s'imbrique juste à la fin, mais pourquoi ? Pour rien, en fait. Il n'y a tellement pas de valeur ajoutée par rapport à la mythologie que du coup, bah, il en reste quoi ? Un thriller, enfin, un huis clos spatial qui débarque un an après Alien Covenant. C'est pas mieux. J'allais te demander. Par rapport à Alien Covenant. Bah, je crois même que Alien Covenant est plus divertissant. Oh punaise. Ouais, il est plus divertissant parce que là, c'est vraiment chiant. Il se passe pas grand chose. Il y a pas de personnage. Il y a pas d'ambiance. Au niveau du visuel, c'est pas trop mal. Ça se débrouille un petit peu, mais il y a pas de tension, quoi. Mm-hmm. Moi, logiquement, une créature dans l'espace et tout. Mais il faut de l'attention peut-être, non? Bah, oui. Enfin, obligé. Là, il n'y en a pas. D'accord, ok. Donc non, c'est un très bon coup de com' et qui était un épouvantable cache-misère, malheureusement. Ok. Et est-ce que j'attends le 4? Bah, finalement, oui, parce qu'apparemment, il sort sur les écrans. Cette fois-ci, octobre, j'y comprends rien, hein, franchement. Surtout, le film est déjà sorti, puis on ne sait pas. Vous savez, le Godzilla de Roland Emmerich? Eh bah, c'est Cloverfield. Mais... Finaise. Non, mais décevant, quoi. Vraiment décevant. Il n'y a rien à sauver, quoi. Ok, d'accord. Et ben voilà, vous avez l'avis sur Cloverfield Paradox. De toute façon, je pense que si vous avez traîné un peu sur internet, vous avez vu le backlash qu'il y a eu sur ce film. Ouais. Okay, voilà. Oui. Et du coup, on va faire le dernier film. On va parler du dernier film de la Selec, et c'est Eddie qui va nous en parler. C'est Annihilation, un film aussi Netflix, du coup. Donc, vas-y, je t'en prie. Alors, Annihilation, qui est réalisé par Alex Garland, à qui on doit Ex Machina, sorti en 2015 et qui m'avait déçu. On en avait parlé dans le Parlons Cinéma, je ne sais plus lequel. Ouais, il y a peut-être 4-5 mois à peu près. Quand la bande-annonce était sortie, moi j'étais très très hypé par la bande-annonce. Et je sais que vous deux n'étiez pas tellement convaincus. Moi, du coup, c'est vrai que j'avais pas eu forcément une bonne expérience sur son précédent film, donc ça ne me rassurait pas des masses. Et du coup, vu qu'il est sorti sur Netflix, je me suis dit, bon, après tout, tenter, ce serait con de pas le tenter, quoi. Et j'ai bien fait parce que finalement, j'ai trouvé ça très bien. Mm-hmm. Alors, c'est pas évident du tout, mais vraiment pas du tout, à cerner et à suivre parce que le rythme est particulier et la narration aussi, mais c'est surtout, et c'est là que c'est assez formidable en fait. L'idée en gros du film, c'est que il y a un phénomène bizarre qui se passe aux États-Unis, alors je sais plus si c'est en Amérique du Sud, enfin plus au sud de l'Amérique. J'ai un doute. Il y a une zone du coup qui est mise en quarantaine, et Nathalie Portman, qui est du coup prof dans le film, prof de biologie, ancienne militaire, est mariée avec un militaire qui est joué par Oscar Isaac. Donc en gros, lui, il est parti. On apprend qu'il est parti en mission, que ça fait un an qu'elle a plus de nouvelles, et du jour au lendemain, il revient. Sauf qu'il sait pas d'où il revient. Il est comme si on lui avait fait un genre de lavage de cerveau. Il se rappelle de sa femme, mais il sait pas comment il est arrivé là. Bref. Du coup. Il y a tout un enchaînement de choses, et elle finalement se retrouve également, va prendre la décision d'aller, mais bon, c'est réfléchi, hein, c'est juste que je ne veux pas spoiler, mais le fait qu'elle veuille aussi aller dans cette zone restreinte, ça a un sens. D'accord. Se retrouve finalement à devoir aller dans cette zone en quarantaine, et pour étudier en fait ce qui se passe et comprendre un peu tout ce bordel, quoi. Sauf que toutes les missions finalement qui entrent là-dedans en général n'en ressortent pas. Donc c'est un peu quand même une mission suicide. C'est pas du tout médiatisé ou quoi que ce soit. Donc c'est là où que le film est intelligent, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a aucune figure d'héroïsme dans le film, et ça, c'est très bien. Et alors, c'est là où que le film est intéressant, c'est parce que le film ne suit pas forcément... C'est marrant parce qu'en fait, le film ne suit pas forcément une logique cinématographique avec des codes bien précis, que ce soit de narration ou de mise en scène, même si c'est formidablement bien mis en scène. Et du coup, ça fait écho aussi à tout ce qui se passe dans cette zone de quarantaine. Et dans cette zone de quarantaine, en fait, il va y avoir... elles sont cinq scientifiques à y être envoyées. Cinq personnes érudites, quoi, qui ont une éducation. Il y a une psy, il y a une biologiste, il y a une anthropologue. Et les deux autres, je ne sais plus exactement. Mais c'est pas des branques, quoi. C'est pas des simples marines qu'on envoie en mission là-dedans. Elles sont là pour se documenter principalement. Et du coup, elles découvrent au fur et à mesure que finalement, la faune, la flore subissent des mutations constantes, en fait, dans cet environnement. Ouais. Et ça défie toutes les lois de la science, quoi. Donc, en fait, elles se retrouvent face à des... tout ce qu'elles ont appris au cours de leur vie, au cours de leur parcours... Ne leur sert à rien dans cette zone. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. Et c'est là où c'est assez formidable, c'est que même nous, en fait, en tant que spectateurs, on peut se raccrocher à rien. Mm. Et même si on essaye de percer avec elles le mystère, ça ne fonctionne pas, puisque de toute façon, ça n'a pas de... Ce qui se passe n'a pas de logique. Ouais. Et du coup, ça donne des choses assez particulières... Il y a une scène notamment où elles sont dans une maison et où elles se font, enfin, dans une maison abandonnée, parce qu'il y a un village qui a été abandonné dans cette zone, où tous les gens ont soit été livrés à eux-mêmes, soit se sont échappés. Et du coup, elles se retrouvent dans une maison abandonnée et il se passe un truc et c'est hyper bizarre. Elles se font attaquer et c'est vraiment... C'est vraiment spécial la manière dont c'est fait. Ils sont attaqués par une bête, mais qui du coup a muté et qui est un peu étrange. C'est hyper perturbant, en fait, parce que le film joue beaucoup sur notre perception, en fait. Nous, on perçoit cet environnement qu'on perçoit le nôtre, en fait, dans la vie. Ouais. Dans la vie de tous les jours, sauf que c'est un environnement qui sous ses apparences à peu près ordinaires, en fait, cache beaucoup de trucs qui ne le sont pas du tout. Et tout le film joue là-dessus, c'est ce qu'ils appellent le miroitement, en fait, dans le film. Et c'est ça, en fait, c'est que ces personnages sont constamment confrontés, en fait, à quelque chose qu'elles ne connaissent pas, mais qui en même temps leur rappelle... tout ce dont elles ont l'habitude de côtoyer. D'accord, ouais. Ouais, et ça, c'est valable pour l'environnement dans lequel elles évoluent, mais aussi, finalement, pour leur propre personnalité, parce que elles vont être mises face à face avec leurs propres démons. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film que si elles sont là, de toute façon, c'est pas par hasard, c'est... déjà, ce sont des femmes brisées. Et après, le grand thème du film, qui du coup fait écho au titre, c'est l'autodestruction, en fait. Ouais. Et là, du coup, ça passe par plein de thématiques différentes. C'est la destruction de la nature par l'homme, la destruction du couple, la destruction d'une vie, je sais pas, par rapport à un cancer ou à un deuil, enfin, toutes ces choses-là. Ça nous parle de la dépression aussi. C'est de la dépression. Enfin, comment au mieux parler de l'autodestruction qu'en évoquant la dépression? Ouais. Je pense que c'est vraiment une maladie horrible où... inconsciemment, on se consume à petit feu, quoi. Le film parle de tout ça. Après, voilà, il faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas évident du tout. Ouais. C'est pas évident. Et moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à de la SF posée, mais je pensais pas que ça allait partir vraiment dans des questionnements philosophiques comme ça. Mais du coup, c'est ce qui rend le film vachement intéressant. C'était un peu le cas dans Ex Machina aussi, hein. Oui, sauf que je trouve que c'était plus grossier et finalement ça ne faisait qu'évoquer des trucs qu'on avait déjà vu plein de fois. Et c'est là que je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'Annihilation est moins apprécié qu'Ex Machina alors que finalement il est plus original. D'accord. Donc ça me déçoit un peu parce que moi finalement je suis ressorti du film, je savais pas du tout si j'avais aimé ou pas parce que c'était hyper déroutant et en fait... en le laissant mûrir, je me suis rendu compte que j'avais trouvé ça vachement bien. Et alors c'est pas forcément un film que j'apprécierais de revoir, je pense, mais ou alors pour comprendre certains trucs, même si au fur et à mesure on se fait un peu nos idées. Et c'est un peu comme un film de Terrence Malick en fait. C'est un film qui te pose des questions, mais qui va pas te donner les réponses. C'est à toi de t'imaginer en fait ce qui se passe. Et ce qui est vachement bien, c'est que ça touche à ta propre humanité en fait aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. Et ça fait du bien de voir que Netflix arrive quand même à proposer des films de qualité aussi. Ah oui, ouais, c'est en clair, plus c'est... que leur série, parce que bon, là ils ont fait que le distribuer, hein, c'est clairement pas eux qui ont eu le dernier mot, je pense. En sachant qu'ils sont pas trop chiants là-dessus, ils ont pas peur de proposer pas mal de trucs différents et qui peuvent aller dans le trash. Ça, c'est pas le problème, mais c'est que souvent, bon, je pense que c'est pas des bons producteurs en termes de cinéma, mais par contre, voilà, ils distribuent le film et ça, c'est plutôt cool, même si bien sûr. Étant donné l'esthétique du film visuellement, c'est dommage en fait de pas le voir sur un écran de cinéma, je pense quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc après, en termes de casting, Portman est très bien, Jennifer Jason Leigh est très bien aussi, Oscar Isaac. Il y a que Gina Rodriguez en fait que je trouve un peu dans le surjeu, mais bon, c'est vraiment des détails, quoi. C'est pas. Oui. Voilà, moi j'ai été très très très surpris. La fin. C'est complètement dingue. Ok. Les dernières minutes, toute une scène là dans le phare et tout, c'est complètement fou. Et tu penses comprendre et en fait tu réfléchis, mais non, c'était pas ça. Et enfin voilà, faut le voir en fait pour. C'est pas évident d'en parler parce que même si on peut pas forcément spoiler, parce que je pense qu'il y a plein de niveaux de lecture différents et du coup. Mais c'est vraiment un film particulier et ça fait du bien de voir un petit peu d'originalité aussi. Et pour le coup, si vous aimez la SF plus posée, un peu à la Blade Runner ou à la Planète des Singes qui pose beaucoup de questions aussi comme ça, la SF qui se passe pas forcément dans l'espace, du coup, c'est appréciable, quoi. C'est de la SF philosophique. Ouais. Voilà. Oui, c'est clairement, ça. C'est ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut le classifier. Et là, on est entre le fantastique et la SF, et je trouve que les deux genres se mélangent bien. Et puis, voilà, quoi. Après Garland, c'est pareil. Ça, c'était déjà le cas dans Ex Machina. C'est vrai que le film était assez beau. Visuellement. Visuellement, et en termes de mise en scène. De toute façon, il avait remporté l'Oscar, je crois, des meilleurs effets visuels. Il me semble, ouais. Et largement mérité, hein, surtout vu le budget par rapport à ce qu'il y avait en face, Star Wars et tout ça. C'était du minimalisme. Et il y avait des mastodontes, en face il y avait Star Wars, il y avait Jurassic World, je crois, la même année. Oui, voilà. Donc, Bon, en termes de visuel, je pense que c'était pas des petits joueurs. Et là, encore une fois, c'est pas un film qui a un budget énorme, mais il fait des trucs de dingue et il sait tenir une caméra. Et ça, ça fait du bien aussi de voir ça. C'est que sa mise en scène, c'est assez puissant, quoi. Et y a un mélange des genres qui est vachement intéressant. C'est de la SF, c'est du fantastique, mais ça vire vers l'horreur aussi. Ça a pas peur d'être gore quand il faut être gore. Ouais. C'est assez dérangeant, c'est hyper troublant, quoi. C'est un ensemble. Le film parle de mutation, mais je crois vraiment que pour le coup, c'est un film mutant aussi, quoi. C'est vraiment très très particulier et je vous le conseille vraiment. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas. Ok, très bien. Mais moi, je me jette dessus très prochainement parce que j'ai très envie de le voir. Et tu me donnes encore plus envie de le voir. On a fini pour la Selec. Donc vous avez eu pas mal de films à regarder. Mais on va vous proposer encore un petit film et c'est le film du mois. Du coup, on passe à cette rubrique. Voilà, donc on est à la rubrique du film du mois Et ce mois-ci, on a décidé de vous parler de La Forme de l'eau, de Shape of Water, de Guillermo del Toro, bien sûr. On en parle puisqu'on l'a vu tous les trois aussi. Donc c'est pour ça aussi. Donc sorti aux États-Unis le 8 décembre 2017 et en France le 21 février 2018. On retrouve au casting Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, Lauren Lee Smith, Nick Searcy et David Hewlett. Voilà. Donc, un plutôt bon casting aussi à signaler. Donc voilà. Il y a des avis différents ici. On n'a pas tous le même avis. Mais c'est très bien. C'est justement ce qu'il faut. Puisque, justement, dans les retours aussi qu'on a sur Internet, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est bien. Voilà. Voilà. On va vous parler de ce film. Et moi, j'aimerais que la voix la plus modérée, donc Morgane, commence par nous donner son avis. Voilà. La voix la plus modérée, la plus sensée, peut-être. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis toujours... toujours. Je ne suis pas un fanboy de Del Toro. Qu'on se le dise, j'ai retenté Le Labyrinthe de Pan parce que je l'avais vu une fois. En fait, il m'était totalement... il était totalement envolé de ma mémoire. Mm-hmm. Et quand je l'ai revu la semaine dernière, j'ai compris pourquoi. Je suis pas spécialement fan du Labyrinthe de Pan. C'est pas mon film, voilà, j'en ferai pas. En revanche, j'ai un amour infini pour Pacific Rim et surtout pour Crimson Peak, que je continue de défendre. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, je continue de défendre et de penser que c'est un très grand film sous-estimé qui n'a pas été vendu pour ce qu'il était. On a vendu ça comme un film d'horreur, tout ça à l'époque. En plus, il est sorti pendant Halloween. En fait, pas du tout. C'est un magnifique conte fantastique. Et là, dans La Forme de l'eau, Del Toro revient à ce qu'il aime faire, c'est-à-dire raconter des histoires et, de surcroît, des contes. Ouais. C'est un conte moderne qui se passe pas à notre époque, mais il y a une modernité dans la façon de faire évoluer ces personnages qui fait que, finalement, le film peut être peut être assez intemporel. Surtout aujourd'hui où la question du genre est quelque chose d'assez d'actualité, j'ai envie de dire. Et finalement, ce film-là, il est moderne et classique. Et c'est ça qui m'a séduit. Alors, même s'il ne m'a pas autant bouleversé que je l'aurais souhaité, ça, c'est mon petit regret. Comme pour Call Me By Your Name, finalement, c'est la hype autour. Je m'étais préparé à être bouleversé. Finalement, j'ai été séduit. J'ai trouvé ça magnifique. Mais j'ai pas trouvé ça bouleversant. Voilà, ma réserve elle est là. D'accord. Néanmoins, c'est un film qui est tellement rempli de grâce, enfin d'instants de grâce, mais merveilleux, qui font du bien. Et donc je peux pas le bouder, et je peux pas le détester, je peux pas être trop violent. Au contraire, je suis rempli d'amour pour ce film. Pas comme tout le monde, mais en tout cas, c'est un film que j'ai trouvé enthousiasmant, beau, simpliste, c'est vrai. Oui, c'est simple. Il y a beaucoup d'archétypes, c'est clair. Et finalement, c'est la base d'un conte. Voilà, il y a des contes qu'on envoie chaque année. L'année dernière, c'était La Belle et la Bête. Voilà, c'était un conte aussi. Là, finalement, c'est aussi La Belle et la Bête. Bon, là, c'est la Bête et la Muette. Et je trouve que raconté par Del Toro, avec ce qu'il faut de poésie, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus violent, mais finalement, je pense qu'il vise un petit peu. Il y a des moments violents, hein, quand même. Il y a des moments, il y a des moments violents, mais c'est pas une violence. C'est pas Labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Pan, c'est aller quand même un peu plus loin. Oui, hein, bien sûr. Faut être honnête. Là, finalement, j'ai trouvé ça un peu sage. Et puis en sortant de là, je me suis dit bon, c'est la démarche de Del Toro et elle a séduit et plus que séduit vu que. L'Oscar du meilleur film était pour... Enfin, c'est lui qui l'a eu. J'y aurais pas donné. Meilleur réal... J'y aurais pas donné non plus. Moi, je l'aurais donné à Phantom Thread, par exemple. Voilà. C'était pour moi le film le plus méritant. Ou alors Get Out. Get Out, franchement, ça m'aurait plu. Non, je l'aurais pas donné. Alors, certainement pas. Ou alors... il y avait quoi d'autre? Attends. Et un autre, là, un troisième. Ah bah oui, Three Billboards. Oui, je suis con. Voilà, oui, Three Billboards. Ou Dunkerque. Et... en gros, c'est un film-là. Mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que Del Toro, avec ce film-là, confirme que c'est un raconteur d'histoire à la fois touchant et sincère. Mm. Et c'est ce qui prime dans le film, c'est ça qui se vante à tous les plans. C'est sa sincérité, son amour pour ces créatures. C'est un passionné de l'univers Freaks, finalement. Mm. Et d'ailleurs, parlons de la créature. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette créature. C'est splendide. Elle est magnifique. Et à tel point que... Toi, tu m'as demandé avant qu'on enregistre si c'était des CGI ou c'était du maquillage et un costume. Et ça, personnellement, moi, ça, c'est vraiment, ça se sent, ça se voit. Et on voit encore la différence, je trouve. Bah oui, mais à l'heure où tout est numérique, c'est vrai que, oui, c'est clair que moi, ça par peut, défaut, ouais. C'était du numérique. Et le fait de savoir que c'est un costume, que c'est du maquillage. J'étais là, voilà, jusqu'où on peut aller, quoi. C'est du concret, et c'est ça, en fait, qui prime dans le film. C'est son côté concret sur les sentiments. Oui, c'est parfois pas tellement subtil. Les personnages sont des archétypes. Mm-hmm. On est là-dedans, ouais. Mais c'est un conte. Et finalement, je le prends pour ce qu'il est. Ouais. Savoir que c'est pas le film le plus subtil qu'on verra cette année. Ah non. Mais en même temps, c'est sûrement un des films les plus beaux, les plus tendres. Et qui a quand même des scènes qui, moi, en sortant de la salle, je me suis dit, bon, mais il y a des scènes dont je vais me souvenir. La scène de danse, franchement, ouais. Fallait le faire. Mm. Je trouve que c'est un moment, mais c'est un régal, quoi. C'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir pour les oreilles. Et tout le film, d'ailleurs, est comme ça. Donc, c'est un film qui m'a plu, énormément plu, sans crier au chef-d'œuvre, mais en tout cas que j'ai trouvé très très très beau. Ok, très bien. Eddie. Ouais, un des films des plus beaux, des plus tendres. C'est aussi un des plus chiants, moi je trouve quand même. Et c'est certainement le Del Toro le moins passionnant, hein, franchement. J'ai trouvé ça hyper lourd et hyper. Ouais, caricatural, et tout ce qu'on voit dans le film, on l'a déjà vu ailleurs, quoi. C'est quand même d'une tristesse absolue que Guillermo del Toro ne soit pas capable de créer un vrai univers, alors qu'il nous a prouvé qu'il était capable de le faire, quoi. Donc, moi j'y ai vu que du Hugo Cabret, du Jean-Pierre Jeunet, pour moi c'était. Oui, alors oui, les 2-3 instants de violence, le côté pas subtil du tout, ça m'a rappelé Del Toro, d'accord, mais alors le reste, et cette histoire d'amour en carton, là, ça m'a... Non, Tu me brises le cœur quand tu dis ça. mais j'ai trouvé ça... c'était presque ridicule, en fait, je trouve. D'accord. Et alors oui, la créature est magnifique, ça, il n'y a pas de problème. La créature est magnifique, ça, il n'y a pas de souci. Sally Hawkins, c'est très bien aussi dans le rôle. Dans son rôle, mais après Shannon fait encore du Shannon, il joue le méchant, alors il le fait très bien sûr, hein, depuis le temps qu'il le joue, heureusement qu'il le fait bien, mais je trouve quand même que c'est hyper décevant, quoi. Et moi j'avais pas forcément beaucoup aimé Crimson Peak parce que encore une fois je trouvais que c'était du Del Toro qui se réinventait pas, qui se reposait trop sur ce qu'il sait faire alors qu'il est capable de beaucoup mieux. Et je me disais, bon, avec ça, il revient à quelque chose de plus intimiste aussi, et la bande-annonce donnait clairement envie. Mmh. Et non, quoi. Enfin, c'est une histoire d'amour assez, je veux pas dire classique, parce que c'est quand même une fille qui tombe amoureuse d'un amphibien, d'un mutant amphibien. Et bon, c'est pas banal, bien sûr, mais c'est un genre de La Belle et la Bête, mais sans le côté... il n'y a aucune subtilité même dans la manière dont elle sait prendre cette chose, en fait. C'est ce que je regrette, quoi, c'est que Del Toro, je trouve que c'est facile, en fait, d'excuser le fait qu'il n'y ait pas de subtilité parce qu'à côté il est généreux, c'est ce qu'il aime faire et tout. À ce moment là Terrence Panic, à ce moment là c'est pareil, il fait ce qu'il aime faire et pourtant on lui en fout plein la gueule. Pourquoi ce serait pas pareil là, quoi. Et je trouve que c'est quand même triste que quand t'as un sujet comme ça dans les mains, tu t'ailles pas plus loin que ça, et que surtout quand tu t'appelles Guillermo del Toro et que t'as présenté des films comme Le Labyrinthe de Pan et j'ai pas vu Hellboy, et que t'as fait des films du calibre d'Hellboy, ou que t'as été capable de mettre un truc en scène comme Pacific Rim, même si c'est pas parfait, que tu arrives à créer des univers comme ça et qu'ici, avec un conte où justement le sujet est plus intime et peut-être plus facile à traiter aussi, où tu n'es même pas fichu quand même autour de créer un vrai univers visuel, quoi. Parce que bon, hormis, c'est vrai, tout le générique du début est très beau, la scène finale est plutôt belle aussi, mais tout ce qu'il y a au milieu, c'est même pas un hommage au film de monstres de la bonne époque, ou c'est même pas un hommage au film noir. Enfin, il y a vraiment je vois même pas où il veut en venir en fait avec tout ça. C'est presque comme si on le sentait pas impliqué en fait dans son projet, et c'est ça qui me déçoit en fait. Je trouve que ça m'a vraiment beaucoup déçu, hein. Très franchement, je pensais aimer, et en fait, encore une fois, non, c'est du Del Toro qui se foule pas beaucoup, quoi. Et venant de lui, ça commence à me gonfler, quoi. Ok, voilà. D'accord. Non, mais très bien, très bien. Donc, moi, je suis allé le voir hier, donc j'ai un avis assez... Enfin, c'est encore très frais dans ma mémoire. Du coup, comme j'avais lu la critique aussi dédiée et que j'avais vu un peu tous les avis autour du film, même si La Forme de l'eau, c'était mon film que j'attendais le plus pour l'année 2018, mes attentes ont énormément baissé quand même. Donc du coup, je savais un petit peu ce que j'allais voir. Et franchement, en allant le voir en attendant pas non plus le film de l'année ni rien, j'ai passé un excellent moment devant ce film. J'ai trouvé simple, c'est vrai, cliché, oui. Je suis pas trop d'accord avec le fait qu'il développe, que visuellement il développe pas un vrai univers. Je trouve que la photographie, c'est Amélie Poulain. Mais Amélie Poulain, c'est un long dimanche de fiançailles. Enfin, si. Ouais, mais Jeunet n'a rien inventé. Oui, non plus, hein, oui, mais peut-être. Mais pourquoi Del Toro fait ça, quoi? Il est capable de. C'est ce qu'on appelle un hommage, tout simplement. Mais je pense qu'il. Pas, en plus, qu'il... il éboute pas du tout, parce que quand tu regardes les interviews, il cite Cocteau à chaque fois. Donc. Ouais, mais sauf qu'il le dément en plus. C'est ça le truc. Attends, je vais dire un truc qui fâche. Quand Aronofsky il pompe véritablement Perfect Blue et sans même l'assumer, alors qu'on sait très bien qu'il a voulu acheter les droits pour l'adapter, qu'on y a refusé, et qu'il sort Black Swan, on l'encense aussi finalement. Je pense que c'est après Del Toro, Perfect Blue, c'est un animé japonais dont les plans de Black Swan ont été sacrément pompés sur celui-là. Ça a été, et c'est vrai qu'on l'a, on le sait qu'il avait acheté, enfin il voulait acheter les droits pour l'adapter, on lui a refusé, et Black Swan est sorti quelques années après. On sait que c'est plus ou moins, enfin c'est clairement pompé, lui, il est dans le déni, alors que Del Toro, moi je pense pas qu'il soit dans le déni. Je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment intègre pour, après on aime ou on aime pas, c'est vrai que c'est, mais moi je comprends qu'on soit pas touché par l'histoire, hein. Même moi avec du recul, il y a des trucs qui me dérangent, par exemple là où je suis plus modéré, c'est vrai que je trouve ça dans les émotions, je trouve que ça coule trop de sources en fait. C'est vrai que je me dis, la créature, à aucun moment... d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo de... Je sais pas c'est quoi, la Cinémathèque. Enfin, je sais pas c'est quoi son... Si, c'est ça, il me semble. Voilà. Il a dit un truc qui est vrai. Il a dit, mais une créature comme ça, elle est tout de suite séduite. Elle est pas inquiète. Alors que quand tu regardes La Belle et la Bête, effectivement, de Cocteau, elle est effrayée de base. Hein. Ou même La Belle et la Bête du Disney, ou même le film là, tout pourri, qui est sorti l'an dernier. Elle est effrayée. Et finalement, c'est par la suite que les sentiments vont naître et que ça amène le débat, enfin la question sur le physique, le genre et tout, enfin l'apparence. Ça a pas de sens dans le film de Del Toro, c'est que. C'est qu'il ne le traite pas en fait, et c'est ça qui est dommage. Oui. Et c'est peut-être que c'est à ce moment-là que le film est un peu bourré de grosses ficelles et qu'il est peut-être un peu moins subtil que ça. Elle est différente, elle voit pas les autres de la même façon, mais. Non, elle les entend pas de la même façon. Enfin, c'est pareil, mais. Elle entend, c'est ça. Mais je trouve puis. C'est facile, quoi. Il est capable de mieux que ça. Enfin, c'est pas comme si c'était. Tu vois, ça aurait été un premier film où on se dit, bon, ok, le mec, il a des références, voilà. Mais Del Toro, il en est quand même pas à son premier essai, quoi. C'est surtout. C'est ça qui est. En fait, c'est frustrant dans la mesure où tu sais qu'il est capable de faire 100 fois mieux que ça. Enfin, moi, c'est ça qui. Ah, bah oui. Ah, oui, mais pour le coup, oui, moi, c'est pas mon Del Toro préféré, ah bah non, hein, clairement. Oui, hein. Pas, c'est moi non plus. Même le moins bon, je pense. Hein. Très sincèrement. Hein. Ah, moi, c'est Labyrinthe. Ah, non. Franchement, je suis pas fan. Là, pour le coup, j'aime pas trop Labyrinthe. Là, il y avait quelque chose. Mais je pense pas qu'on lui demande d'oser c'est mon avec film ce préféré. Film. C'est un film qui est très dur, en plus, que j'ai du mal à regarder. Mais par contre, il y avait une vraie ambition derrière. Et artistiquement, c'était autre chose, quoi. Bah après, est-ce que la démarche de Shape of Water, c'était l'ambition? Je suis pas sûr. Je pense qu'il voulait être dans l'évocation, finalement, il voulait être dans la douceur. Ouais, après, bon, bah peut-être. Son histoire sort pas du lot. Bah pas vraiment. Et puis c'est pas ça en fait qui m'a touché. Parce que l'histoire en elle-même ne m'a pas touché. Moi, en soi, je l'ai trouvé. Et c'est dommage qu'elle touche pas cette histoire. C'est dommage. Ah, oui. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça que je suis pas là à dire waouh quelle claque et tout parce que ça m'a pas touché. J'ai pas trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça beau, mais ça m'a. J'étais pas bouleversé quoi. Alors que normalement une histoire comme ça aurait dû me sembler bizarre, c'est vrai, un peu étrange. Finalement, je trouvais que ça coulait de source un peu trop facilement. Mmh. Oui, il y a des facilités, il y a des grosses ficelles que je peux absolument pas retirer, mais à côté de ça. Voilà, moi, il y a aussi l'intégrité qui prime, il y a aussi la maîtrise visuelle, clairement, et je trouve que là, il s'en sort parfaitement bien. Après, l'histoire en elle-même, bon, c'est un peu le même débat que Gravity à l'époque. Les gens, ouais, visuellement, c'est bien, mais l'histoire, je suis pas fan. Bah, c'est pas que je suis pas fan de l'histoire. Mais sauf que oui, la différence, c'est un c'est conte, que dans Gravity, quoi. En fait, c'était une histoire très simple avec un gros sous-texte derrière qu'il fallait percevoir, alors que là, il y a rien, quoi. C'est qu'il est même pas. Derrière, il n'y a rien à en retirer parce que finalement, il est tellement pas subtil que t'as pas de sous-texte derrière en fait. Tout nous est balancé comme ça et c'est même pas un film qui te laisse te faire ta propre interprétation du truc. Tout est dit. Même elle le dit quand. Enfin, même elle le signe plutôt. quand il me voit en parlant de la créature. Il me voit tel que je suis vraiment, en fait. Mm. Bah oui, mais évidemment, c'est logique. Donc, bon, enfin, moi, ça me. Enfin, franchement, je suis vraiment entre la déception et le. Mais j'en ai marre, quoi, c'est que ça fait deux films, là, quand même. Enfin, presque trois, parce que Pacific Rim, je suis pas absolument fan non plus, quoi. Donc. T'es un gros con, c'est tout. Oh, merde. Non, mais d'ailleurs, honnêtement, Pacific Rim, pareil. Bon, là, c'était. Moi, j'ai un amour infini pour ce film-là, mais il y a du plaisir. Pacific Rim, c'est la générosité qu'il sauve, en fait. Oui, oui, totalement. Totalement. Mmh. Après, je préfère Crimson Peak à La Forme de l'eau, par exemple. Mais encore une fois, Crimson Peak, visuellement, c'est génial. C'est, en termes de film de fantômes fait à l'ancienne, ça renouvelle complètement le truc, mais alors. L'histoire, tu vois tout venir, t'as tout compris, les personnages, on les a déjà vus 100 fois, et là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est du Del Toro qui met en scène une histoire. T'as vu La Belle et la Bête, t'as vu la même histoire, sauf que là, bah, c'est pas du tout traité comme il faut. Et puis, bah, à côté, bah, c'est Del Toro j'ai vu 2-3 films dont j'aime bien la photographie, hop, je vais refaire la même chose. Je vais utiliser mes 2-3 gimmicks habituels. Alors, on va mettre un mec qui s'arrache les doigts, un autre, une créature qui bouffe un chat, puis des conneries comme ça. Mais ben, on le sait tout ça, enfin, on s'attend à voir tout ça. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est qu'on est en. Enfin, je sais pas, c'est pas son 10e film ou un truc comme ça. Il me semble, ouais. Et voilà, il est pas capable de montrer autre chose. C'est ça qui est dommage quand même, c'est que. C'est pas comme si c'était un mec avec son premier film avec ses premiers films qui avait pas imposé tout de suite une patte particulière. Et c'est un peu le souci, c'est que ces réalisateurs là qui ont des univers bien à eux, qui sont capables de mettre des choses en scène, forcément ils créent des attentes auprès du public. Et quand ils remplissent pas, en fait, quand ils arrivent pas à amener vraiment le public sur de la nouveauté. Bah, moi je comprends qu'on puisse être déçu et c'est pour ça que je suis déçu. Ouais. Et en fait, quand je t'entends parler du film, moi c'est exactement les mêmes reproches que je faisais à Miss Peregrine. Ah, voilà. Burton, ouais, j'allais citer Burton. Ouais. Voilà, c'est mais vraiment, ça. C'était ça. C'est, oui, que Burton, je trouve que justement, à la différence de Del Toro, c'est que Burton reprend des choses qu'il sait faire, mais en abordant d'autres thèmes différents qu'il sait mettre en scène. Et pour le coup, je trouve qu'il se réinvente plus facilement. Bah, je trouve que Burton est quand même plus vendu que Del Toro, qui est beaucoup plus un esprit libre. Burton, pour moi, il est formaté, hein, alors que Del Toro, je trouve, il est libre. Justement, je pense que s'il avait... Enfin, libre... C'est pour ça aussi, c'est paradoxal comme ressenti, parce qu'à la fois, je trouve le film, c'est vrai, pas surprenant. C'est vrai que finalement, c'est classique. C'est le terme, c'est simple. C'est simpliste. Et finalement, on pourrait dire, ouais, mais est-ce que justement cette simplicité traduit pas... Pour moi, en fait, il est libre dans sa simplicité. Alors que Burton, je trouve que non, il n'est pas libre du tout. Il est très contrôlé par les studios, il n'impose plus vraiment, il vampirise plus aucun studio. Alors que Batman le défi, tout ça, c'était une époque où il avait foutu un gros bordel chez la Warner et tout. Alors qu'il pourrait plus le refaire aujourd'hui. Je pense que Del Toro, il peut encore faire ça. Après, j'espère qu'effectivement, dans son prochain film, bah d'ailleurs. Moi, alors voilà, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le succès et la reconnaissance du métier pour déjà le genre fantastique, c'est quand même déjà bien. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre des polars politiques qui sont récompensés ou des films politiques. Parce que moi, je pensais que ça allait être Lady Bird. Et comme l'année dernière, c'était Moon Knight, tout ça. Mais là, c'est voilà, sûr on a. Un film fantastique reçoit l'Oscar, c'est plutôt cool. Voilà, c'est très bien. Après. Ça peut amener justement comment dire à ce que son projet Les Montagnes Hallucinées voit le jour. Et franchement, rien que pour ça. Oui, non, mais oui, et puis ça va l'ouvrir pas mal, énormément mais de portes aussi. Mais c'est parce que ça, en fait, c'est que tu sens la facilité en fait derrière le projet. C'est que tu sens que même lui, bah, il a envie de faire des trucs et finalement, il fait des trucs simples pour gagner un peu de fric et puis pouvoir faire ce qu'il veut vraiment après. Mais bon. Ouais, mais. Mais le problème, c'est que du coup, c'est des films dont il faut pas. Enfin, en attendant qu'il aille sur des projets qui l'intéressent vraiment, s'il va sortir entre temps, c'est des films dont il faut pas attendre grand chose, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, franchement. Dans ces projets, il y a quand même The Haunted Mansion qui est une mise en scène de l'attraction de Disney. Hein. Oui, oui, je sais. Ouais. Ça, c'est de la commande, quoi. Alors, moi, j'ai sûrement adoré, mais. Oui, non, mais je vois. Mais voilà, c'est ça. Je pense mais, que ça. Mais c'est la même. Enfin, je suis désolé de revenir à Burton, mais c'est la même chose. Il fait aussi des films de commande pour pouvoir faire des films qu'il apprécie lui plus personnellement. Et par exemple, il va faire un Dumbo chez Disney. C'est de la commande, ça. Oui, voilà. C'est ce que je dis. C'est de la commande pour faire des films qu'il apprécie plus personnellement. Et bon, bref, voilà, pour passer Burton versus Giron. Les deux ne sont pas trop comparables de toute façon, de manière générale. Non, mais enfin, oui, le souci, oui, c'est qu'il y a. Réalisateurs à univers, voilà. Oui, d'accord. Il y a tellement peu de réalisateurs à univers fantastique qu'on est obligé de les comparer, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ça n'a pas trop de sens. Si on avait plus, on ne le ferait pas, voilà. Mais comme il n'y a pas beaucoup de films fantastiques qui sortent, voilà. Donc. Bref, pour dire rapidement mon avis, moi j'ai beaucoup aimé. C'est simple, oui, que c'est vrai. C'est plein de clichés. On voit la fin arriver. On sait ce qui va se passer avec les cicatrices sur son cou dès qu'on les voit. Tout nous est expliqué, mais pourtant, personnellement, j'ai réussi à passer outre les défauts de narration et tout ça. Qui sont pour moi des défauts qui sont intrinsèques au format du conte, en fait. Le conte, ça doit être vraiment quelque chose d'universel, compris par tout le monde, et partout et pour tous les âges. Mais avec derrière plein de sous-textes. Oui. Que là, on n'a pas. Si, moi je trouve qu'on a quand même... on a quand même pas mal... qu'est-ce que je voulais dire bref attends, tu m'as perturbé là bref non c'est voilà bon voilà c'est simple c'est compréhensible par tout le monde il y a peut-être pas bref. Mais après, c'est ton avis. Hein. C'est toi qui trouves que derrière, il y a des. Ou alors, j'ai peut-être pas du tout compris le film. Hein. C'est possible aussi. Mais c'est vrai ah que... non, mais c'est, moi, mais j'ai juste par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. C'est juste que voilà, j'ai réussi à passer outre les défauts. Et je comprends pourquoi tu n'as pas aimé, absolument. Après, je trouve qu'il a trouvé une recette qui est la sienne. Et que même si il la resserre, c'est toujours la même recette, oui, mais c'est toujours aussi bien, enfin, pour ceux qui apprécient ce Del Toro là, moi je la trouve très bien. Voilà, je voulais parler aussi rapidement de la musique que j'ai trouvé géniale. Alexandre, la musique, Alexandre Desplat, qui, ouais, franchement, qui est, bon, qui même est juste. Si... Même si, comme Del Toro, je ne trouve pas hyper inspiré non plus. C'est de l'accordéon. C'est... Oui, mais c'est, pour un film fantastique, c'est, fallait oser, quoi. Mmh. Fallait vraiment oser. Moi, j'ai... Voilà. Hein, moi, je trouve que... C'est, j'ai entendu la même chose chez Scorsese avec Hugo Cabret, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui, un conte, pareil. Enfin, c'est ça qui me gêne. Ça m'énerve, c'est un film qui n'a pas d'identité. Il y a même une scène où on sent du La La Land. C'est pour dire, quand même. Bah le oui. Mec va piocher partout. La scène avec... La scène de danse. À table. Oui, bah oui. Où il est clair que Sally Hawkins et que la créature passe dans l'ombre. Bon... Bah, oui. Oui, bah c'est bien, c'est oui, c'est joli, mais merde, c'est Del Toro derrière, ça devrait pas seulement être joli, ça devrait être fait à la manière de Del Toro, ça devrait être complètement différent, ça devrait réinventer le truc, quoi. C'est ça, oui, qui est chiant, c'est ça qui me déçoit vraiment. Et je pense que là, ça y est, je mets le doigt sur ce qui m'énerve vraiment dans ce film, c'est que c'est du Del Toro qui se foule pas, qui n'invente rien, alors que d'habitude, il sait faire ça, et il le fait. Et c'est pour ça que ces films sont géniaux. Mmh. Géniaux, oui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la scène de danse dont tu parlais, noir et blanc, m'a fait lâcher une petite larme, et puis voilà. Je pense que j'étais tellement énervé que mes glandes lacrymales étaient hors de ouais, fonction. C'est... Là, non, il n'y a rien. voilà. Je sais plus trop quoi dire, donc de toute façon on a dit pas mal déjà de choses. Donc voilà, vous avez trois avis assez différents, allez le voir pour vous faire votre propre avis. Franchement, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller le voir, parce que moi je pense franchement qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir dans le film. Et surtout, si vous aimez l'univers de Del Toro, bien sûr, ce sera la même chose que vous avez déjà vu dans ses films précédents et dans d'autres films aussi. Mais voilà, moi, je trouve que la formule fonctionne pour moi, personnellement. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Donc, on va passer du coup à la dernière rubrique de ce podcast. Morgan, j'espère que tu es prêt. Prêt pour la minute nerd, donc le générique, et on est lancé. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui est la meilleure nerd. Morgane, tu nous as réservé une série dont tu veux nous parler. C'est une série, mais bon, c'est voilà, parce que je suis en plein dedans en ce moment, enfin à nouveau dedans pour la 15e fois, mais je vous en ai jamais parlé. Voilà. Je vous en ai jamais vraiment parlé. Non, jamais dans un podcast comme ça. J'ai toujours dit à quel point j'aimais la série, mais là je vais pouvoir expliquer pourquoi. Parce que il y a des fictions dans la vie qui vous marquent, et il y a toujours des séries ou des fictions, des films, des livres qui sont importants pour vous. Et Lost, pour moi, est à mon sens, subjectivement et objectivement, la fiction la plus dense, la plus complète, la plus profonde, la plus émouvante que j'ai vue. En termes de série, alors, bon, c'est sorti en 2004, ça a été créé par J.J. Abrams, créateur d'Alias à l'époque. Oui, ouais. Mais surtout, le très cher réalisateur de Star Trek et du mal-aimé, j'ai envie de dire, Star Wars 7. Fringe aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas aimé Fringe. Ouais. Et d'ailleurs, il revient, je crois, l'année prochaine avec une série ou cette année, je sais plus. Mais voilà. Donc l'histoire, hein, bon, je pense que tout le monde connaît un peu Lost, même de nom, de réputation. Oui. Un avion s'écrase. Même moi qui n'ai vu aucun épisode, je sais de quoi ça parle, à peu près. Et Dieu sait que, voilà, quand on voit la série dans la globalité sur 6 saisons, c'est pas du tout. Enfin, le postulat de départ est extrêmement minimaliste par rapport à ce qui nous attend. C'est pas cool, voilà. Non, pas du tout. Et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, un avion s'écrase sur une île, des survivants, tout ça, ils vont devoir survivre. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Mais c'est une série que je trouve importante. Pourquoi ? Parce que jamais aucune fiction ne m'avait fait à tel point ressentir des émotions, n'avait été aussi loin dans les genres. Ce qu'il faut savoir avec Lost, c'est que c'est une série qu'on a perdu beaucoup, sans mauvais jeu de mots, en cours de route. Parce que la série commence comme un espèce de... La saison 1, c'est un espèce de survival, finalement, avec son lot de mystères. La saison 2, on va un peu ailleurs. La 3, c'est pareil. Et à partir de la 4, parce que la série comporte 6 saisons, et c'est une série qui est scindée en deux grands axes. De la saison 1 à la saison 3, on est plus dans le survival, le côté mystère, tout ça. Voilà. À partir de la saison 4, la série dérive vers une dimension ésotérique, métaphysique, voire même carrément du domaine de la science-fiction, pour amener justement son propos. Et c'est pas de l'incohérence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que la série ne sait plus quoi raconter et tout, alors que je peux vous assurer, et moi qui suis un fan hardcore de la série, j'ai épluché toutes les interviews, tous les bouquins possibles et imaginables, la fin de la série a été écrite en même temps que la première saison. C'est-à-dire que quand vous verrez la fin de la série, on reproche énormément à toutes les séries de se terminer parce qu'il n'y a plus d'audience. Du coup, elle se termine à la va-vite, on écrit une fin comme ça, montée à la truelle et hop, emballée, c'est pesé. Que Lost, quand vous voyez la fin, qui au jour d'aujourd'hui est incomprise, et incomprise par beaucoup, il y en a qui n'aiment pas la fin parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Et encore, il y a même des gens qui adorent la fin mais qui ne l'ont pas comprise non plus. La fin est finalement très logique puisqu'elle répond à une des nombreuses thématiques de la série, à savoir le destin, et un truc dont je vais pas parler parce que sinon ça va vous spoiler. Et je trouve que en termes de personnages, d'intrigue, il y a vraiment ce qu'il faut. Voilà, mes personnages de fiction préférés, c'est là-dedans qu'on les retrouve. C'est une série qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé personnellement. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais en tout cas que je trouve mais bouleversante et profonde parce qu'elle brasse beaucoup de choses. Au risque de perdre, mais en tout cas je trouve qu'elle n'a jamais souffert d'incohérence. Après, on peut ne pas aimer, on peut très bien trouver que ça part, enfin on peut très bien dire ça part trop loin, effectivement parfois c'est un peu casse-tête, même si c'est pas non plus hyper compliqué. Mais en tout cas, cette série a le mérite d'avoir fait ce qu'elle a toujours voulu faire, d'avoir été jusqu'au bout de sa démarche de la première à la dernière saison, à travers une intrigue que je trouve mais passionnante. Il y a des twists, des rebondissements qui sont hallucinants. La fin de la saison 3 d'ailleurs est un twist mais monumental, considéré d'ailleurs comme l'un des twists les plus marquants de l'histoire de la télévision aussi, parce que la fin de la saison 3, mais personne n'était préparé à ça, clairement. Là, je trouve que c'est une série que je défendrai mais corps et âme jusqu'à la fin de mes jours, que j'encourage tout le monde à regarder jusqu'au bout, parce que finalement le sens profond de la série, bah, il apparaît à la fin, quoi. Dès l'instant où il y a le dernier épisode et le dernier plan, bah, on se remet tout en question et finalement on comprend le but de Lost, en fait. Lost, c'est pas qu'une série qui parle d'une île avec des survivants, ça va beaucoup plus loin. Ça parle du destin, ça parle du vivre ensemble, notamment quand on a des points de vue différents. Il y a le personnage principal, joué par Matthew Fox, qui s'appelle Jack. Lui, c'est un homme de science, et son principal rival, qui est aussi finalement un ami, même s'il y aura beaucoup de points de discorde, c'est John Locke, et lui c'est un homme de foi qui croit au destin, qui croit... Et finalement c'est comment ces deux personnages, oui, ces deux états d'esprit... Le divin et le scientifique, oui. Et ça c'est dans toute la série finalement, parce que... Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont préférer la première partie de la série, donc de la saison 1 à la saison 3, et vont décrocher à la saison 4, parce que la 4 s'intéresse plus la foi, la métaphysique. C'est très élitiste finalement, et ça pose des questions philosophiques que je trouve mais pertinentes et un peu déroutantes par moments, Et tout ça à travers une histoire que je trouve passionnante. Et c'est pour moi la plus grande série de tous les temps, la plus grande fiction que j'ai vue. J'ai beau la voir, la revoir, la revoir, la re-revoir. Là, j'ai terminé la saison 1, je vais réattaquer la 2, qui est peut-être celle que j'aime le moins, mais en tout cas que je trouve magnifique aussi. Franchement, voilà, c'est une série que je trouve parfaite. Donc je sais que, voilà, il y en a qui l'ont tenté, qui n'ont pas été au bout. Mais après, je peux comprendre parce que c'était l'époque où les séries faisaient. Là, en fait. Oui, mais je peux comprendre. Ils sont tentés. Non, mais je peux comprendre alors, parce pour que ma c'est... défense, c'est... J'ai bien aimé hein, Lost. Hein. Si j'ai arrêté, c'est parce que c'est trop long en fait. Moi, j'en peux plus voilà. Des séries de 24 épisodes. C'est ça. Donc, c'est ça, je peux comprendre. Voilà. C'est... Moi, j'ai une amie qui me recommande Outlander depuis, je sais pas, peut-être au moins 2 ans maintenant. Et oui, ça a l'air très bien, mais quand j'ai vu la durée, alors c'est des épisodes qui durent 60 minutes et il y en a une vingtaine, je crois, par. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc, mais non. Moi, c'est pas possible. Hein. Là, non. Et du coup, Lost, bah, le truc, c'est que c'est bien, mais comme toutes ces séries sorties à l'époque, c'est que, évidemment, t'as un sujet principal qui est vachement intéressant. Mais par contre, vu que le format à l'époque, c'était 24 et quelques épisodes, et après, il y a eu la grève des scénaristes Hollywood, donc on a réduit un peu le format des séries. Mais ça n'empêche pas que les 3 premières saisons, c'est des trucs de 24 épisodes. Et du coup. Bah sur 24 épisodes, t'en as au moins une dizaine, voire une quinzaine, où c'est fait pour meubler. Et bah là, moi, ça. Ah, je suis tellement pas d'accord. Moi, ça m'a. Il y a toujours un truc à apprendre dans chaque épisode. Non. Vu que chaque épisode met en avant le passé d'un personnage. Oui, ouais. Et autres machin, je trouve qu'il y a toujours un truc à apprendre. Il y a toujours. Ils sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres. En fait, ils ont tous leur moment où, par exemple, Shannon, qui est jouée par Maggie Grace, pendant la première saison, paraît assez insignifiante, et dans la saison 2, elle a un petit truc qui fait que. Envie qu'elle crève, donc. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais après, elle a un côté touchant qui se révèle. En fait, finalement, les personnages se révèlent et ça dit beaucoup de choses sur la vie, tout simplement. Il y a des personnes qui peuvent te paraître très insignifiants et quand tu te familiarises avec eux, finalement, ils ont quelque chose qui te plaît, qui te séduit, que tu trouves intéressant. Et là, c'est pour moi la série qui interroge le mieux, enfin, qui m'interroge le plus, enfin, la fiction qui m'interroge le plus sur mes sentiments, mes rapports humains, mon rapport à la vie, tout simplement, parce que c'est une série qui m'a fait grandir et j'ai noué, j'ai des croyances fondamentales, des croyances personnelles que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas regardé Lost. Aujourd'hui, il y a plein de choses dans ma vie auxquelles je crois et c'est Lost qui m'a convaincu de certaines choses, enfin, qui m'a convaincu que je pouvais me poser des questions sur certaines choses. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais en tout cas pas tout de suite. Mais voilà, c'est une série qui est en moi et qui ne cessera jamais, quoi. C'est une série qui m'anime et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Bon, vous allez. Bon, non, bon mais... après, vous allez vous dire, bon, comme tu es casse-couille et relou, à mon avis, c'est une série qui est casse-couille et relou. Mais bon. Non. Voilà. Non. Mais en tout cas. Mais vraiment, après, hors tout ça, hors le côté voilà, humain, tout ça, vraiment, sur la fiction pure, sur ce que ça raconte, c'est y a un suspense qui est absolument dingue, quoi. Ce genre de série, à chaque fin de saison, vous avez envie d'enchaîner la suite. Enfin, je veux dire, y a la série arrive tellement à se renouveler, à procurer à provoquer des retournements de situation absolument dingues. Qui, voilà. Et en plus, plus on la revoit, plus il y a des détails. Par exemple, on voit à un moment donné que ça parle de Star Trek, à un moment donné, ça parle des Ewoks, à un moment donné, tu dis, tiens, quand même. Et si c'était pas écrit finalement. Et comme la série parle du destin, et ben, je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre quand on regarde la série aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de mangas la fin. Non. D'ailleurs, je vous conseille, bah tiens, justement, double minute nerd, pour ceux qui ont vu la série ou ceux qui verront la série, je vous conseille aussitôt d'acheter un livre de Paco Tielman qui s'appelle Les mêmes yeux que Lost. Il a fait une analyse, c'est un livre très court, hein, je crois que ça fait même pas une centaine de pages, et pour le coup, je l'ai lu. C'est une analyse, mais tout en profondeur sur la dimension philosophique et ésotérique de la série. Ouais. Et vraiment, je peux vous garantir qu'il y a ce qu'il faut. Et à ce moment-là, quand vous regardez la série et vous lisez le livre après, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, il y a une plus-value parce que quand vous revoyez après la série, j'avoue, moi je la revois assez souvent, bah vous vous dites, ouais, finalement, il y a des détails qui m'ont échappé. Parfois, ça part un peu loin, hein, clairement. On se demande où il va chercher tout ça, mais c'est crédible. C'est comme dans toute analyse, on en jette. Hein. Oui, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est un bel ouvrage. Donc, la série d'abord et le petit ouvrage, Les mêmes yeux que Lost. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je crois. Vous le trouvez à une dizaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute, moi qui n'ai jamais vu Lost, moi c'est toujours une série qui m'a tenté, mais après. Faut s'investir, voilà. C'est vrai. Ouais. C'est pas évident les séries comme ça. Mmh. Hein, c'est. Et comme tu en parles et des thèmes que ça a l'air d'évoquer, moi j'aimerais te conseiller une série qui risque de t'intéresser, j'imagine, parce que en plus ça se passe dans l'espace, donc et c'est vraiment les questions philosophiques, enfin religion versus scientifique, etc. Les questions philosophiques. Battlestar Galactica, c'est 4 saisons. Ah. Je sais pas si t'as déjà essayé de le regarder ou pas, mais non. Et ben je te conseille énormément parce que c'est exactement comme tu viens d'en parler, quand tu finis un épisode, tu as envie de voir la suite, tu apprends à chaque fois une nouvelle chose sur l'histoire générale à la fin, sur chaque épisode. Et vraiment, voilà, moi je conseille si tu as un peu de temps, parce que c'est 4 saisons, et c'était aussi comme Lost, c'est première saison jusqu'à la 4e, tout était écrit à l'avance. Donc voilà. Et c'est ça, on le voit dans Lost, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des détails, il y a des éléments de l'intrigue, même des tout petits trucs qui vont prendre tout leur sens au bout de la 3e saison. Des trucs qui paraissent insignifiants à la saison 1, on se dit bah, pourquoi ils nous racontent ça. Et puis finalement, à la 3e, 4e saison, c'est pas qu'on répond à cette question, mais c'est qu'on éclaire un peu le truc. Et c'est là que tu sens qu'il y a une cohérence. C'est pas du hasard. Ouais. Je sais que. Voilà, et la fin est cohérente et magnifique. La fin est déchirante. Mais quel grand souvenir! Mais quel grand film, je m'en souviendrai toute ma vie. On était en larmes à la fin de Lost. Et il y avait une communauté de fans qui était assez forte à l'époque. Ah ouais, Lost a été. C'était je pense qu'elle a inspiré beaucoup. C'était un phénomène, Heroes l'a été. Bon, même si ça a été un peu après la première saison. Et encore Lost, elle a pas baigné. Il y avait pas Twitter à l'époque. Ouais, voilà. Donc je pense que heureusement d'ailleurs parce que le moindre spoiler, oh là là. Mais je pense que c'est une série qui, voilà, pour moi elle est forte vraiment, elle est importante. Elle fait partie. Alors pour moi c'est ma série préférée, mais c'est tellement subjectif évidemment cette question là. Mais je pense que c'est objectivement l'une des séries les plus importantes de l'histoire, quoi. Au même titre que je sais pas moi. Citez-moi-en. X-Files, par exemple. La quatrième dimension, Star Trek. Quatrième dimension, Star Trek. Voilà. Des choses comme ça. Axel, que conseiller un truc à Morgan, ça ne sert à rien. Hein. Non, mais c'est pas grave, je conseille en même temps au. Parce que Morgan ne regarde jamais ce que tu lui conseilles. Donc moi, maintenant, je ne conseille plus. Hein. C'est fini. Qui m'a conseillé La Ligne Rouge de le revoir? Pas moi, parce que j'ai même été surpris quand tu l'as revu. Alors. Qui m'a conseillé on m'a conseillé aussi le Yorgos Lanthimos, on me l'a conseillé celui-là. Et ah bah ça c'est pas moi. Hein, c'est alors, pas, mise à mort du cerf sacré. Mise à mort du cerf sacré, ouais, oui, c'est vrai. C'est pas Eddie, ça c'est clair. Toi t'étais là en mode grand fou. Mais que fais-tu? N'y va pas. Ok, bon bah voilà, vous avez l'avis de Morgane sur Lost, et du coup, bah, si vous n'avez toujours pas vu comme moi, si ça vous a tenté, n'hésitez pas. Voilà, on va passer du coup à la fin du podcast. À la fin de ce 38e épisode du podcast Movies Nerd, j'aimerais vous remercier, vous les auditeurs fidèles que vous êtes, d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Morgane et à Eddie d'avoir participé. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés pour parler de cinéma et d'autres choses. Bien sûr, c'était toujours un plaisir de parler voilà, cinéma. Une excellente compagnie. Et même si ça parle de de bananes ou de je sais pas quoi, c'est pas grave. Oui, bon ça, c'est ludique. Oui, c'est clair. Donc voilà, je vous rappelle rapidement les petites informations habituelles. Du coup, vous pouvez retrouver nos critiques, émissions vidéo et audio sur moviesnerd.net. Sur les réseaux sociaux, c'est Movies Nerd sur Facebook et Movies_, donc le tiré du 8, net Non, pardon. Movies Nerd, donc Movies underscore Nerd sur Twitter. Voilà. Désolé si de toute façon il y a tout dans les notes de l'émission. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous pouvez aller cliquer sur les notes de l'émission. Vous pouvez noter le podcast sur iTunes, sur PodCloud. Il est toujours pas disponible, comme je l'ai dit la dernière fois. Je pleure à chaque fois que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Donc moi personnellement, vous pouvez me suivre sur Twitter, Movies Nerd, sans critique. C'est TheLexal, THELEXAL. J'ai ouvert récemment un groupe, je sais plus comment on appelle, si un groupe sur Steam qui s'appelle Movies Nerd pour les auditeurs et pour il y a Eddie qui est dedans voilà pour l'instant mais voilà donc si ça vous intéresse ça s'appelle Movies Nerd. Oui, je sais, j'ai vu ça. Oui, non, mais j'ai vu que tu avais accepté. Donc voilà, si ça vous intéresse. C'est un petit truc ludique. T'as dit voilà. Steam ou t'as dit Discord ? Steam. Oui, Steam. Oui. Steam. Non, j'ai pas mis en place de Discord. J'adore. Englishman in New York, une chanson formidable. De quoi il parle, lui ? Je sais pas. Bah, de Sting. Ça, putain. Bref. Roxanne. Oui, c'est bien. Ouais. Eddie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, il m'a paumé l'autre. Ouais. Mince. Sans critique. On était sur Steam. Alors Steam, Easter oui. 91. Voilà, c'est ça. Sur Facebook, Eddie Rentière, cette fois. Quoi ? Tu donnes ton Facebook. Maintenant. Oui, je me suis trompé. Oui, mais c'est pas grave. Sur Sans Critique. Sur Sans Critique, Eastark. Sur YouTube, Eastark Play. Je crois que ça ne fait pas tout. Mais sur Movies Nerd, bien sûr, Eastark voilà. aussi. Voilà. Voilà, c'est tout. Bref, et sur Discord, c'est Eastark. Eastark, je sais plus quoi. C'est Eastark 91 hashtag 2976. Oui, parce qu'il faut toujours mettre un hashtag là-dessus. Ouais, oh finesse, ça devient. Au début, il y avait Twitter sans critique, mon business, ouais. c'était tranquille. Maintenant, ma ça devient le bordel. Ma vie gamer s'intensifie trop. Ouais. Ma vie sociale, ça me nuise grandement. Ça me nuise aussi. Hein. Ouais. C'est, et ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'ils ont annoncé la date de sortie pour Jurassic World Evolution. Oui, j'ai vu ça, je me suis dit. Voilà. Bon, c'est bon, Eddie, bientôt on l'aura plus dans les podcasts. voilà. Et Morgan, du coup, à part parler de Sting, si t'en parles sur Twitter, je sais pas. Morgan ? Oui ? c'est à toi, vas-y. Ah, il y a eu un bug, ah, okay. Excusez-moi. Donc, on peut me retrouver sur Vodcaster. Donc, oui, je commence comme ça. Vodcaster Cinémaniac. Sur Twitter, @CinéMorgan. Sur Facebook, Morgan Sheridan. Sur PSN, Mogo, -Sheridan. Sur Snap, M Cinémaniac aussi. PSN. Suivez mes Snap. Ah, ben PlayStation. PlayStation Network. MSN, suivez-moi sur MSN. MSN, ouais. Allez voir sur mon Skyblog. Oui, envoyez-moi à Wiz. Ouais, c'est ça. Bref. voilà, donc merci encore d'avoir écouté ce 38e épisode du podcast Movies Nerd. On se retrouve le mois prochain pour le 39e. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Où que vous soyez. Ciao. Salut. Ciao.